IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, Adrien. Ok. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Ça va, et toi, Florent? Ça va très bien, écoute, je suis... C'est nouveau ce petit truc où on se demande comment ça va, mais j'aime bien. Bah, écoute, moi, si on peut être une émission de radio un peu... Moi, mon rêve, c'est de passer... Regarde, bon, mais... alors ton rêve ouais est exaucé, je te rassure tout de suite. Non mais j'aimerais même lancer des chansons moi, en vrai. Ça je rêverais, tu vois, d'avoir un petit truc aller et on s'écoute. Ils font ça dans Saint-Pierre. Dans le Cozy Corner, ils mettent des chansons et quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit Florent, il adorerait ça. J'adore. Et bah je te connais par cœur. Moi j'aimerais des rires enregistrés, des applaudissements. Écoute, il y a là pour le coup, t'as deux rires très présents pour l'émission d'aujourd'hui, donc t'inquiète pas, on est là. C'est vrai, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, notre première invitée, elle est actrice, autrice, réalisatrice et même tenancière de Comedy Club avec le Cartel Comedy Club ou 6 rue de la Tâcherie dans le 4e, pas le 40e, il y en a beaucoup moins. Le 4e arrondissement de la ville de Paris. C'est une habitude de la maison, mais la dernière fois elle est passée en coup de vent, trop occupée à dégueuler dans le métro. C'est Justine Lepotier. Oui! Merci, je suis très touchée. Tu es encore arrivée un peu en retard, je me suis dit. Eh ben, c'est à cause du métro. Elle était encore en train de dégueuler. Non, elle qui adore pas. Ça quotidiennement. Il y avait des alertes à la bombe dans le métro, j'ai dû faire à pied. Mais j'ai les vomi sur personne. Tout de suite, j'ai une bonne ambiance. Notre deuxième invitée a plus de casquettes qu'un trentenaire atteint de calvitie. Elle est comédienne, signe des chroniques chez France Inter et elle joue son spectacle tous les lundis à la Nouvelle Ève à Paris jusqu'à fin décembre, ainsi qu'à La Cigale le 26 janvier. Elle fait aussi une tournée partout en France, même en Europe. J'ai vu Genève, Amsterdam, ouais. Incroyable. Elle a un podcast comme moi. Son rire est très sonore comme moi. Et elle est très calée sur la sexualité. Et c'est trop cool pour elle. C'est Rosa Manstein. Wow. Bienvenue Rosa. Il a une plume. Incroyable. C'est la première fois que tu viens dans le podcast. C'était mon objectif de vie. Mais tu vois, comme quoi, patience. Et mère de... Bien sûr. Bien sûr. Et comme non, aussi, merci des beaucoup. Fois on atteint ses objectifs et on est très déçus et c'est sans doute c'est ce qui va se passer aujourd'hui bah, pour toi. Je sais pas après ce que je peux ambitionner dans la vie maintenant que j'ai fait le Floodcast. Écoute, beaucoup de choses. Il y a ouais, franchement, on a une liste toi et moi avec Adrien. on peut te la fournir. Alors c'est le Floodcast et comme à l'accoutumée, on commence avec les news du Floodcast. Alors j'aimerais commencer. C'est pas vraiment dans l'actu, mais il y a deux épisodes, on a reçu Vincent Dedienne et Géraldine Nakache et on parlait du fait que le Monopoly était un jeu interminable. Et les auditeurs, qui sont toujours prompts à m'envoyer des messages pour me corriger, m'ont dit, alors, non, il y a une règle, en fait, qui fait que le jeu n'est pas interminable, mais c'est une règle que personne n'applique jamais. Je vous demande, quelle est cette règle? Eh ben, une fois que tu as atteint un certain nombre d'argent, tu as gagné. Non, ce n'est pas ça. Un certain nombre de rues. Non, ce n'est pas ça. Quand t'as toutes les rues d'une rangée. Comme la puissance 4 de Monopoly. Non, mais peut-être. Non, ce n'est pas ça. C'est une manière de gagner le jeu ou de perdre le jeu? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une façon de jouer plus vite au jeu. Il faut s'arrêter aux maisons. Il ne faut pas faire les hôtels. Ah non, les hôtels, on peut les faire. Sinon, ce serait vraiment dommage d'avoir fait des pièces. Alors, attends. Tu dis, c'est une façon plus rapide de jouer. C'est pas un truc genre, à partir de tel truc, c'est gagné. Ah, je crois que je sais. T'échanges avec la banque tous tes avoirs. Et alors, pas du tout. Oh là là, j'étais sûre de moi. Ah ouais, t'es trop dans le business toi maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Des avoirs au Monopoly, qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà des avoirs dans le Floodcast, tu crois vraiment que j'aurais fait un jeu? Attends, tu as investi dans la pierre et tu fais une plus-value. Mais n'importe quoi! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours pas compris comment fonctionnait l'hypothèque d'ailleurs, même au. Je t'expliquerai, au Monopoly. Bah oui, c'est bien de ne pas le savoir. C'est bien de ne pas le savoir. C'est un rapport avec la case prison? Non, pas la case prison, pas la case parc gratuit. Mais attends, c'est une façon plus rapide de jouer. Tout à fait. Parce que tu dis j'arrête, ça me saoule. J'ai toujours eu un jeu très corrompu au Monopoly. Où les gens trichent un peu. Ouais. Toi tu jouais pas? Si, j'y jouais, mais je pense que c'est... En fait, c'était pas tout à fait licite. Je crois qu'il y a eu beaucoup de fraude, oui. Tu vois, dans l'achat de. Ça réveille des trucs malsains en nous, en plus, ouais. Un peu Monopoly. Ouais. La jalousie. C'est Bernard Arnault qui est en nous, ouais. Il joue au Monopoly. Non, mais moi, je me souviens d'avoir perdu parce que un joueur avait gagné la carte chance et vous gagnez le concours de beauté. Ouais. Et avoir pensé, non, moche. T'es moche. Ouais. T'aurais jamais t'aurais gagné le concours de beauté. Ouais. Alors que t'es une maison à rue de la paix, ça, j'achète. Mais... Bien sûr. Mais non, tu non. Les Asie, d'ailleurs. Ouais. C'est également un château en Espagne, c'est vrai. Alors attends. Alors le Monopoly c'est mais quoi déjà attends, on déjà tombe sur une case. Attends, excuse-moi. Oui, vas-y Adrien, je t'en prie. Parce que quel est le but du Monopoly déjà? J'en ai aucune idée. D'avoir le un maximum d'avoir de gagner Paris. Arrête, ouais. Bah, d'avoir un maximum d'hôtels, richesse. Ouais. De ruiner les autres, je crois que c'est ça un peu. Ah bâtard. De ruiner. Donc quand t'as plus d'argent, t'es éliminé. Ah bah c'est oui. Le dernier. Quand qui... t'as hypothéqué toutes tes non, maisons. Mais me dis pas. Ah bah oui, je pose la question. Non, excuse-moi, quand on parle de Monopoly, mes yeux s'illuminent. Quand tu as hypothéqué toutes tes maisons, t'as plus d'argent, donc tu ne peux plus jouer. T'as fait banqueroute. Quoi. Non, mais c'est d'accord, mais donc c'est ça. Jouer à la bonne paye, c'est plus sympa. L'unique but du jeu, c'est de que les autres soient ruinés. Et c'est le dernier qui reste qui c'est gagne. Ça. Et que toi, t'es le plus d'argent. D'avoir. Bah, c'est pas d'avoir le plus d'argent, puisque le but, le c'est d'éliminer les autres. Oui, d'actifs c'est les financiers oui, dans ta poche. Arrêtez, en fait, faut que ce soit clair pour les gens. D'accord. Comment ça joue le Monopoly? Tu peux voler tu l'argent des gens. Non, tu peux pas voler l'argent. Non, mais imagine. J'essaie de répondre à la question. Ça peut être un truc au dé. Genre, allez, on se fait un petit chifoumi, on voit qui a gagné. Non, tu joues au dé. Ouais. C'est le jeu du Monopoly. Et tu tombes sur des cases. Il y a quoi comme case? Il y a la carte chance. À la prison. La prison, la caisse de communauté, le parc gratuit, mais la plupart des cases, c'est quoi? Les rues de Paris. C'est les rues de Paris. Ok. Ça, c'est une bonne réponse. Et c'est là. Et c'est autour. C'est presque une bonne réponse. C'est autour de ça que la réponse. Quand t'as un maximum de rues de Paris. Quand t'as eu un maximum de rues de Paris. En fait, quand t'arrives dans la rue qui est détenue par quelqu'un d'autre, guerre des gangs. Non. Non, mais quand t'arrives dans une rue de Paris et qu'elle est à personne. Tu l'achètes. C'est ça? Enfin, tu mets un hôtel, c'est ça le truc? Non, tu l'achètes. Oui. Ou pas. Donc quand toutes les rues sont achetées. Et non, mais je vais vous dire la réponse. Oh, ça fait vous chier. Non, mais je suis désolé. Ah, non, on commence par tu nous dis la réponse. Mais je suis désolé, mais je suis obligé de vous le dire. Bah, est-ce qu'on peut vous trouver non, je pense pas. Un indice dans la réponse. Mais j'essaye un peu de vous les donner hein, depuis tout à l'heure. On est dans une case. Vous pouvez l'acheter ou vous pouvez pas l'acheter. Mm-hmm. Bon, vous pouvez l'acheter. Mais tu si peux vous emprunter de l'argent. Non, mais si vous l'achetez pas, il se passe quoi? Tu peux dire j'arrête le jeu. T'as perdu. Non, t'as pas perdu. Tu peux forcer les autres. Crédit. Non. Tu peux forcer les autres à acheter. T'es pas loin. Elle est mise en commun pour le collectif. Aux enchères. Non, elle aux est mise enchères. Aux enchères. Elle est mise aux enchères, ce qui fait qu'en gros toutes les rues sont achetées quasiment au bout de 3 tours, quoi. Ah. Alors que la plupart du temps au Monopoly, les gens ils font non, bah j'achète pas la rue Le Courbe, ça m'intéresse pas. Et hop, bah, on continue mais... d'avancer. Et après oh bah la rue machin, j'avance pas. Alors que si tu la mets aux enchères, toutes les rues sont achetées au fil du jeu. Ça devrait être comme ça la vie. Ouais, pour acheter des apparts. Bah ouais, ce serait vachement bien. Aux enchères, comme ça, que les riches, c'est déjà le cas. Mais non, tu sais, il y a le truc c'est avec. C'est déjà comme ça. Non, ma grand-mère, elle avait acheté son appart à la bougie. C'est-à-dire hein, que c'était. Mais c'est Vidocq, ta grand-mère, c'est connerie, tu te fous de ta gueule. Je vous jure, c'était un vieux truc. Ça, je ça sais chouette pas à déposer si une bougie dans une boîte. Je sais pas si ça se fait encore. Tu négocies avec des gens et quand la bougie était cuite, c'était la fin de la négo. Comme un sablier de Fort Boyard. Oui, ouais, bah, un chrono, quoi, un chronomètre. Bah ouais, c'est une bougie. Vachement bien. C'est une super belle anecdote. Il faut dire que Justine a grandi en Bretagne. Exactement. On dirait vraiment un con breton étrange. Et c'est une sorcière aussi. Ta grand-mère, on rappelle qu'elle est repartie sur son balai. C'est pour ça que j'étais en retard. C'est à moi. Question des beautés, ça choisit quel pion au Monopoly. Voilà, c'est très important pour quel moi. Pieu alors, quel pion Moi, j'ai le pion Marmaille, personnellement. Oh, oui. je sais même pas ce qu'il y a comme pion. Il y a le petit chien. Ah bah, non, je cherche pas plus loin. Mais Le chapeau. Il y a un chien, il y a une chaussure. La chaussure, le chapeau haute forme, le dé à coudre. La voiture, bah moi c'était la petite voiture, je vous le cache pas. Bah moi voiture. Le chien là. Le bah chien. Ça devait être forcément le chien. Qui choisit c'est le coudre. Pion anal. Ah oui. Oui, mais c'est dans. Le pion anal. Oui, non, mais c'est dans j'ai les. J'ai voulu faire un jeu de mots un peu comme ça. Avec. Elle a dit avec un regard, j'ai voulu faire comme ça. Mais c'est les nouvelles éditions du Monopoly. Ça c'est fou, ils en font des milliards des éditions du Monopoly maintenant. Un Monopoly cul. Peut-être pas des milliards, mais beaucoup. Ouais, plusieurs millions en tout cas, de sources sûres. Ça aurait pu être. Une question quoi. Ah oui, de trouver les de... éditions ouais. spéciales. Mais d'ailleurs, si le Monopoly nous écoute, moi je veux pas faire de société, mais un Monopoly Floodcast. Hors de question. Oh là là. Mais si, la gare moi, sous le potier où il y a du dégueulis. Incroyable. Ok, tu commences à m'avoir. C'était Strasbourg-Saint-Denis. Ah, je on les embrasse. Ah bah, très bien. Ils se souviennent aussi. Il y avait déjà pas mal besoin. De dégueulis de base, à mon avis, là-bas. Mais... J'ai rajouté. Je vous propose le titre d'un article du Dauphiné qui définitivement a lâché la rampe. Il est libéré, j'imagine. Ah, il est complètement libéré. Ouais. Un retraité résout le mystère de l'énorme pénis d'une chauve-souris. Ça, c'est le titre, tout simplement, de l'article. Ok. Grâce à des vidéos d'accouplement. Non, mais je pense que maintenant, ils font les news pour nous. Ouais. Bien sûr. Faut non, il résout le mystère. Mais c'est un Agatha Christie aussi. Grâce à des vidéos d'accouplement de chauves-souris envoyées par un retraité des Pays-Bas, donc c'est de mieux en mieux, hein, des chercheurs ont pu comprendre comment se reproduisait un certain type de chauve-souris, à savoir les sérotines communes. Un mystère qui restait depuis la nuit des temps entiers. Et alors c'est ma question, à votre avis, comment cette chauve-souris à l'énorme pénis peut se reproduire? Bah, comme nous. Non, parce que justement, le sexe féminin... Autant pour le parti d'extrême droite. Voilà, c'est ça. C'est pas ça en Hollande. C'est 7 fois la taille... le pénis fait 7 fois la taille de la profondeur du vagin de la chauve-souris. Après, la profondeur, si c'est que la profondeur, il a juste... Enfin, ça rentre pas, quoi. C'est 7 fois plus gros. J'imagine que c'est le diamètre qui pose le problème, quoi. Ça rentre pas, quoi. C'est pas élastique, quoi. Excusez-moi, vous êtes des gros baiseurs. Par la bouche, par un autre trou. Non, c'est pas par sur un les ailes. Trou. Il lui jouait sur les ailes. Alors il ne ou alors sur ses ailes à lui et il rentre le sperme comme ça. Ah oui, comme oui. Non. Non, alors ce n'est pas ce que nous dit le retraité. Le vieux retraité. Le vieux des Pays-Bas. En fait, il les il a joue sur ses ailes et mais monsieur, vous avez des preuves? Non. Je suis sûr qu'ils font ça. À mon avis. Il a été témoin d'un accouplement, c'est ça. Alors en fait, il c'est un retraité qui s'ennuie un petit peu. Ouais. Qui avait des chauves-souris. Qui a pas la fibre et qui se branche sur ce qu'il peut. Okay. Non, qui avait des chauves-souris dans l'église de son village. C'est dans une église. Dans l'église. Ouais. Oh, dis donc. Et il a mis des petites caméras pour regarder ce qui se passait. Ah, ils sont il fait, oh non, voilà. Une énorme bite. Oh non. Sous le toit du Seigneur. Ok. Voilà. Et il a vu. Comment s'accouplaient les chauves-souris. Enfin, il a déduit, il a envoyé des images et les chercheurs ont dit oh, mais dis donc, ça répond à une question. C'est très dur apparemment de voir des chauves-souris accouplées, elles se cachent vraiment pour le faire. Elle est noire, elle la chauve-souris est pudique. Bah, mais comme elles ont la tête en bas, est-ce que genre ils s'accouplent en 69? Ah, l'histoire ne le dit pas, on mais va l'appeler. Du coup, il lui jouit dans la bouche, tu veux dire, et elle tombe enceinte comme ça. Et ça coule, ça goûte comme ça. Comme Marc, après les punaises de lit, franchement. Comme le début de l'automne, ça goûte un petit peu comme ça. Non, mais est-ce qu'il a un éjaculat très puissant qui, genre rayon laser? Alors, le bruit était comment bien. Un rayon laser, quoi, vraiment, il vise et. Bon, il rentre pas, il ne pénètre pas, mais. À distance, genre mais oui, voilà, ok. Faut sacrément bien viser, hein. Mais les chauves-souris, ils ont des sonores. Radar, c'est ça. Ouais, okay. Ça, c'est ce que faisaient les punaises de lit, on l'avait raconté. Hein. Elles avaient du sperme catapulte pour pénétrer. Et des quantités astronomiques. Ouais. Ce n'est pas le cas de la chauve-souris. Non, c'est pas. Non. D'accord. Alors, au contraire, et c'est un petit indice que je vous donne, okay. La chauve-souris est très proche l'une de l'autre pour s'accoupler. Ok, donc plutôt missionnaire. Très. Bah, elle se frotte. Alors, c'est pas. Tu c'est pas vraiment se frotter. Elle se frotte les ailes. Non, alors c'est vraiment le pénis reste là. Hein. C'est, on utilise mais il va pénis. Quelque part ce truc. Alors, il ne va pas nulle part, quelque part, justement. Ça alors. Non. Ah, bah, elle pond. Non. Mais enfin, c'est pas une poule. Bah, j'en sais rien. tout est possible. Justine, tu confonds la chauve-souris et la poule. Fais attention. Elle a un vagin préhensile. Oh, extensible. Elle sort son vagin et pose son truc dessus. Mais oui, comme à la foire du trône. Comme à la foire du trône, c'est une pince qui descend. La chauve-souris mâle, elle jouit par terre. Il jouit quelque part et ensuite elle vient se frotter les fesses comme une éponge. Sperme. Oui, d'accord. Ouais. Alors, ou à une aspiration, quoi. Non, je veux dire, elle sort son vagin. Bzzzt. Ah, elle le démonte comme ouais. Un truc préhensile qui sort. Voilà. Qui sort alien un peu. Voilà. Il y a beaucoup de bruitage qu'une gueule. Je suis Jamie. T'es Anthony Cavana. alors, non, ce n'est pas ça. En fait, c'est un peu mieux ce que vous dites, malheureusement. C'est un peu décevant la réponse comparé à des idées. J'ai une question. Je peux déjà vous dire la durée. La durée de leurs ébats, à peu près. En moyenne, ça dure une heure. Mais. Ah bon, quoi ? Mais. Putain, pas mal. Chez certaines, ça dure jusqu'à 13 heures. Ah. Et non, bah, ça donne un petit indice sur comment ils font. Parce que c'est très long. Il congèle le sperme. Elle meurt à la fin ? Non, personne ne meurt. Mais alors attends, ne meurt dans cette histoire. Est-ce que au bout du compte, le mâle arrive à éjaculer à l'intérieur de la femelle ? Très bonne question. Il n'éjacule pas vraiment à l'intérieur de la femelle. Là, on a une piste. En fait, je peux même vous le dire, il éjacule contre la femelle. Il fait une faciale. Ouais, non. Tout simplement. Il jouit sur son vagin, quoi. Mais, okay. Mais voilà. Ah, après, elle met ses petites ailes pudiquement. Elle referme ses petites ailes. Elle prend un bâton, elle fait. Les sifflements me régalent. Et les petits spermatozoïdes chauves-souris volent jusque dans les ovocytes. Les spermatozoïdes ont des ailes. Ouais, des chauves-souris. C'est une chanson de Pascal Obispo. Mais j'ai l'impression qu'en fait là, le mâle chauve-souris essaye de se retirer pour pas mettre la chauve-souris enceinte. Ça ressemble à ça. Alors c'est vraiment juste que son pénis est tellement énorme qu'au final ça ne rentre même pas, quoi. Non, ça rentre pas. Mais donc il jouit sur la femelle. C'est ça. Et après c'est elle effectivement qui met ses petites ailes pudiquement. Non, mais voilà, qui fait sa sauce, quoi. D'accord. Qui fait sa sauce. Quasiment le premier truc qu'on a dit finalement. Bah. Non, parce que la façon de faire, et vous l'avez pas vraiment dite. Ouais. Et bon, mais je vais vous la donner parce que vous êtes pas loin. Il danse. Juste, non, il colle son pénis contre la femelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il l'a. Ah, mais est-ce qu'il y a pas justement un truc de tête en bas avec la gravité, du coup ça. Je crois pas. Non, non. Il faut demander au vieux. Hein. Ouais, c'est pas, ce que, ouais. C'est pas ce que nous dit le vieux. En gros, il se contente d'appuyer très fort son pénis sur les parties génitales de la femme. Okay. Donc voilà, comme un. De la femme. De, ouais. De la femme chauve-souris, enfin de la chauve-souris femelle. La lady. Et en gros, pour éviter que les spermatozoïdes soient expulsés sur les côtés, il reste très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un pfft, comme tu le faisais si bien, ouais, ouais. Mais c'est un. D'accord. Il urine, il se raconte du sperme. Des trucs, ça, ça sort, ça pas rangé, ça se frotte et les spermatozoïdes finissent par trouver, voilà, le par chemin. Trouver chemin ah, wow. En direction de la femelle. Mais je me demande si en plus il y a pas un peut-être côté, la gravité. Bah, en vrai, l'article ne le dit pas, mais c'est vrai que ça paraît logique. Ils doivent avoir la tête en bas, je pense, pendant ce truc-là, donc ça doit aider. On leur souhaite en tout cas. C'est sympa. D'accord. Comme quoi. Cela dit, c'est les techniques. Ça, parfois, pour tomber enceinte, t'as envie de, tu sais, tu prends ta meuf et tu lèves les jambes. Mais Flo, ça va pas. Pas comme ça que ça marche. Ah moi, ça m'intéresse. Malade. J'ai pas fait médecine après. C'est comme ça que ça non, marche. Non, pas du tout. Okay, pas du tout. Je pense que c'est une vieille légende urbaine. Il faut manger non, du dirait. Sel. C'est tu ça. Un garçon. Hein. Et fallait voter Benoît Hamon. Donc ça, si vous l'avez pas fait. Se couper les cheveux à la pleine lune. Ça fait très la chauve-souris qui essaie quand même de traquenarder le mâle chauve-souris pour tomber enceinte. Oui, oui, parce oui. Que lui, il le fait dehors et elle, avec ses petites ailes, elle refoule le sperme à l'intérieur quand mais même. C'est exactement ce que dit l'article en fait. En plus, ils disent en gros la femelle chauve-souris n'est pas exigeante dans le choix des partenaires, mais après, elle sélectionne en interne les spermatozoïdes qui la féconderont ou parfois tout simplement elle rejette la semence. Ouais. Tu vois, là, genre, c'est genre, intelligent. Oh, j'aime pas du tout. Oh, ouais, non, c'est comme les haricots quoi. Non, elle voit la durée du rapport. Si le rapport dure une heure, elle se dit spermatozoïde décevant, et si au bout de 13 heures, elle se dit cela avec mes plumes, je vais les mettre à l'intérieur c'est parce que le bébé sera vont, fort. C'est des chauves-souris qui vont faire des études, ça. Bah, ouais, alors l'inverse, ça. Ou alors l'inverse. Oui, une heure, tu te dis ultra efficace, 13 heures, tu fais oh là là, laborieux, ça va être une feignasse. Ouais, après, ça dépend si c'est une chauve-souris de droite ou de gauche. C'est en fait, vrai, chacun voilà, un peu. Après, on les connaît. Aussi d'avoir leur préférence. On les connaît, les chauves-souris. Plutôt de droite. Non, mais cela dit, les chauves-souris, l'article le dit, les femelles mettent les mâles à l'épreuve en testant leurs compétences pendant l'accouplement. C'est le Koh-Lanta, c'est le Koh-Lanta du coup. Sélectionne là-dessus. Bah, c'est l'épreuve des poteaux, sauf que c'est une bite de chauve-souris en fait. En tout cas, même une heure sans aller jusqu'à 13 heures, une heure, on peut déjà saluer quand même la performance. C'est 10 fois trop, malheureusement. C'est 3 épisodes de Friends, je vous laisse imaginer, c'est vraiment très très long. Le 18 novembre dernier, deux Américains, Madeleine Brockway et Jacob Lagrone, ont décidé de se dire oui. Leur mariage a été qualifié par les internautes de mariage du siècle, vu qu'il aurait coûté presque 60 millions de dollars. Alors, avant de vous poser des questions, j'ai d'abord une envie de savoir, est-ce que vous avez envie de vous marier? Est-ce que c'est quelque chose qui non. pourrait vous donner envie? Pas du mais tout. Imaginons que tu sois en couple, machin et tout, est-ce que c'était un truc qui pourrait te donner envie? Non. Non plus. Je te rappelle que j'ai été en couple pendant 15 ans, donc si j'avais dû me marier, je l'aurais fait. Bah peut-être pas. Non, mais peut-être pas, mais je te le dis. Non mais il y a des gens qui restent en couple et qui ont des enfants et qui au bout justement de 20, 30, parfois 40 ans décident de se marier non. en mode bah venez on non, va. Alors après j'ai pas envie de me marier. Ouais. Et si un jour je suis enfin en gros si j'avais si ma meuf avait voulu qu'on se marie et oui. ça lui tenait à cœur, j'aurais dit OK. Ouais. Mais tu l'aurais dit comme okay, ça. Oui. Non mais veux-tu pas, m'épouser, je suis okay. pas contre l'institution ouais. du mariage, juste bon ça m'intéresse pas. Ouais. Il s'avère que elle non plus donc on s'est pas marié. Qu'est-ce qui t'intéresse pas ouais. C'est le je m'en le fait de le célébrer. Ouais non mais c'est ça, t'as pas posé. Non bah, pff, je sais pas, ouais. je vois pas l'intérêt. Mais d'accord, OK. Toi Justine? Je dirais non. Ouais. A priori non, je dirais. Ah ouais non mais a priori, c'est pourquoi c'est dans l'envie. Non, c'est parce que déjà j'aime pas le côté attention, faut que ça se passe bien, c'est notre mariage, tu vois. Ça me stresse et mais ça tu peux l'enlever de l'équation un peu. Bah, tu peux pas décider vraiment. Ah ouais, tu trouves ouais, tu bah, penses t'es un peu obligé de ah, tu peux te marier à Vegas quoi. Voilà ouais. Mais en vrai oui, ça j'aurais je le c'est un truc que j'aurais envisagé ouais, me marier à Vegas ouais. Pas faire de cérémonie du tout non sinon ça et après non non non non, non, même sans ça, non. Vraiment non ouais. Tranquille quoi ouais même faire une espèce d'énorme fête ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui disent ça, souvent, qui disent en fait ouais, j'ai pas besoin d'un mariage mais... pour faire une teuf avec tous mes amis. Oui, mais ça, les gens qui disent ça. Ah ouais oh, j'attends pas Noël pour faire des cadeaux. Oui, ta gueule, fais des cadeaux à Noël. C'est bon, nous non plus on n'a pas besoin, on le fait parce que toujours bien d'avoir ah des. Si, des moi, trucs. Si le calendrier ne le dit pas, je ne le fais pas. Je suis comme ça. Tu sais, j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour dire à ma femme que je l'aime. Ouais. Ouh, on fait-le quand même une fois par an. Fais-le. Et toi, Rosa? Moi, je croyais que j'avais pas envie. Et en fait, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Alors, pas dépenser 60 millions de dollars. Non. Mais si je les ai, en fait, tu vois, en fait, ça dépend de si je suis multimilliardaire, 60 millions, qu'est-ce que c'est pour moi? Tu vois, rien. Très, très peu, très, très peu. Juste. Une façon de régaler les gens. Non, je pense que ouais, mes raisons, je crois, sont assez obscures. Hein. Ah ouais, c'est pas l'idée de faire, je sais pas, une fête ou même juste de célébrer l'amour. Je pense que ça va vous choquer. Non, tu sais rien. Je crois que c'est par esprit de compétition avec ma petite sœur. Okay, oui. Ok, tu m'as pardon. Ouais. Et alors pourquoi? Bah, parce qu'elle est mariée. Ouais. Tu l'admets et moi je trouve j'aime bien déjà ça. Et l'honnêteté déjà, est bien. Merci déjà. Adrien. Ouais. Peut-être qu'on se mariera ensemble. Je sais pas si t'as entendu sa réponse à ma question. Moi ce qui me ferait rire c'est de voir Adrien à un mariage marocain parce que récemment j'ai mon frère par alliance qui s'est marié et attention. Les mariages marocains c'est vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de représentations. Tu sais t'es sur une espèce de truc en l'air que tu agites, ça dure des heures et moi, tout. Si les gens, moi je suis très content de voir des gens heureux en train de fêter leur mariage. Hein. J'ai juste pas envie moi. Oui et moi d'ailleurs j'aimerais. Je suis pas déjà allé à un mariage juif hein, donc tu vois tu. Je, et c'était la fiesta. C'était la chaise et c'était tout le tralala et le verre cassé et tout tu vois donc. Le tralala. Et puis et j'ai passé un bon moment. Moi j'ai l'impression que moi je le ferais pareil comme Adrien, j'ai pas envie de le faire. Mais si ça fait plaisir à ma compagne, oui, tu vois, je finirais par ça. Mais ta compagne qui dès qu'on a parlé de mariage est arrivée. Elle cherche un colis Amazon. Question, si vous deviez vous marier, est-ce que vous préfériez vous demander votre partenaire en fiançailles ou être demandé en mariage? Être demandé pour ma part. Florent, être demandé que elle te propose. Moi je trouve pas le mariage angoissant. Je sais pas si ça arriverait si je l'étais pas. Faire la demande en mariage, je trouve ça angoissant. Okay. Parce que je trouve qu'un mariage raté, c'est connu dans la tête des gens. Enfin, tu vois qu'un mariage, il y a des histoires, il y a des embrouilles, ça se passe mal, ça fait partie du folklore du mariage. La demande, pareil, il y en aura qu'une et si elle est un peu nulle, c'est vraiment dommage. Ça met vraiment le truc sur un mauvais. Ouais. Je dis pas qu'il faut que ce soit au pied de la Tour Eiffel avec tu vois des bouquets et des bouquets. Si. Mais il faut que ce soit ça. Mais si c'est dans un hippopotamus. Hélas. Il faut que ce soit ça, c'est bien ça le problème. Moi j'aimerais être supplié. Qu'on me demande. J'aimerais qu'on me supplie. Non, en vrai j'en sais rien. En vrai non. L'exercice d'élaborer la meilleure demande en mariage me plaît, mais juste en termes de scénario. De défi. De challenge, de petit jeu après, indépendant. Après bon, c'est l'élaborer et donner l'idée à quelqu'un d'autre, ça me va aussi, tu vois. Ouais. Ghostwriter de demande en mariage, voilà. Ça te va très bien. Ça me va, mais sinon, non, je sais pas. Et toi, Rosane, tu préférerais demander ou être demandé? Être demandé. Ah, ok. Pour quelle raison? J'avais cette réponse. C'est vrai. Je sais pas, c'est vraiment, je crois, toutes les contradictions de féministes. Déjà, je me sens déjà assez dominante beaucoup, tout le temps, souvent dans la vie. J'ai l'impression d'avoir beaucoup la charge mentale de plein de trucs. Ouais. Là, j'ai envie justement que ce soit la personne en face qui se prenne la tête. Ouais. Et c'était un truc de quand t'étais enfant, de un jour je me marierai ou pas du tout? Avant que ta soeur se marie, je veux dire. En fait, en vrai, avant que ma soeur se marie, j'avais pas spécialement envie. Hein. Ah ouais. Je me disais, oh non, c'est pour se divorcer et tout, c'est la honte. J'ai vu une amie récemment se marier, faire un mariage très cher à Paris, au Liban, arriver à d'autres dromadaires et tout. Ouais. Et ils ont divorcé 2 ans après. T'es là, oh la honte. Mais tu vois, ils étaient tellement de cul. La honte. Mais tu vois, je veux dire. Donc bon, c'est vrai qu'il y a un côté ridicule, mais après. Je pense que j'ai un truc où je me dis bon bah ma sœur l'a fait, je vais faire juste pile le truc qu'elle elle a pas fait. Elle a fait juste la mairie et un petit brunch. Donc tu vas devoir faire mieux. Donc un petit peu. Mais il y aura des dromadaires et des voilà. En vrai, j'ai un peu envie de le faire à la synagogue chez Delphine Horviller. D'accord, OK. Qui est genre une rabbine très stylée. Ouais, mais c'est que... un peu ouais. C'est un peu pour. Mais cela dit, moi j'entends. Si tu veux lui en mettre plein la vue, essaye de viser un peu plus haut que ça. Fais-toi déposer par un pélican. Ou un énorme pélican. Ouais, ouais, bah... Mais ceci dit, là une où chauve-souris. Là, avec une énorme queue. Ouais, bah dos de queue de chauve-souris, bien sûr. Mais là où je te rejoins, c'est que quitte à le faire, moi j'avoue que les gens qui font. Enfin, je le ferais pas petit, quoi. Ouais. Non, mais j'avoue, quitte à le faire, je dirais, bon, bah oui, on loue une grosse maison. Une grosse voiture. Amis, famille, il y a 200 invités. Ah bah, et tu vois, moi, toute ma vie, c'est faire des blagues. Là, j'aurais envie d'un truc émouvant, que ça chiale, tu vois. J'ai envie de chialer, que les gens chialent. Alors, moi, non, par contre. Moi, ce serait un parc d'attraction, moi, je pense. Et moi, je pense que c'est ce qui fait que je me marierais pas avec ma meuf, c'est que moi, je vais être. T'as entendu? T'as entendu? C'est Clara, je vais avoir envie de mettre des blagues partout. C'est-à-dire que je peux pas être premier. Ben ouais, je t'aime, je rigole. Non, pas forcément une blague de merde, Rosa, merci. Non, mais de désacraliser le truc. Voilà, quand ça devient oui, trop mais premier non, degré. Non, mais Florent, tu ferais moitié-moitié. Oui, c'est dur. C'est mais dur. Arrête, c'est ta patte. Mais pas. C'est ton film, Florent Bernard. Ton film, c'est pas une pure comédie. Oui, tu ferais un dramélie, une tragicomédie de mariage. Tu ferais un discours émouvant et à la fin, tu ferais. J'avais mis parfaitement. Pourquoi t'as spoilé la fin de mon film? Non mais t'as mis le doigt sur mon style, c'est vrai. Non mais je pense que quand t'es devant le maire et qu'il fait un long discours, il y a tellement de trucs en plus un peu marrants quand même de le maire. Enfin je sais pas, je trouve que tout est un peu. Bah, écris un film sur le mariage, ça non, tu lâches toutes tes blagues et après tu fais un vrai mariage. Et toi Justine, et moi quoi? Être demandé ou... Ah moi je pense. Préférais, je crois, être demandée parce que. T'es soumise? Non, parce qu'il y aurait un côté. Bah, j'aimerais bien ne pas m'y attendre et que ce soit quand même une surprise de me dire c'est quand même hyper valorisant, quelqu'un a voulu se marier avec moi. En fait, tu vois. Mais... T'aimerais être demandée, mais dire non, du coup. Et ouais, voilà, exactement. Ah, je suis hyper touchée. Non, désolée. Mais je sais pas du tout comment je réagirais parce qu'on m'a jamais demandé en mariage, heureusement. Et, et je demandais à quelqu'un, j'ose pas lui dire. Mais tu oui, vois, donc, mais non, bien ça sûr. Ça marcherait pas, je pense. Moi j'aurais quand même peur du non, hein, même si c'est quelqu'un bien qui s'en sûr. Machin. Je veux dire, à la mère de ton enfant, ouais, t'aurais peur qu'elle dise non? Bah, il y a des moments. Ah ouais, bah. Ah, mais je te jure, il y a des moments. Mais bah, non, mais il y a des périodes type. De. Regarde-moi bien dans les yeux, t'es un pauvre type. Je comprends. Non, mais il y a des périodes de la vie où t'as la tête prise par des choses. Non, mais où oui, t'as en des plus, trucs. je comprends. Ça peut être genre, là, on vient d'acheter une maison. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Et des gens qui n'ont pas après, envie de se marier. Mais après, je vais parler dans mon cadre personnel. Si tu la demandes en mariage, qu'elle te dit non, mais que vous devez rester ensemble et élever votre enfant, tu vois. Il y a moyen que. Mais moi, me marier après les enfants, ça, je trouve ça un peu stylé. Ah bah en oui, moi, après ça, les enfants. Quitte bien à sûr. Se marier, je trouve après. Ça cool de le faire quand effectivement ça fait très longtemps que une t'as fois déjà qu'un fait... des deux est mort par exemple. Tu dis là, franchement, vous voyez bien que c'était pas pour l'histoire de. Elle est morte. Le perso que tu dis. Elle est morte. Mais ça doit exister quelque part dans le monde. Ah, non, on l'avait eu au Floodcast, des gens qui avaient voulu se marier à quelqu'un de même décédé. Des gens qui font des les enfants. Invités, tu veux dire Non. Dans le jeu, on en avait parlé. Pas encore. Mais oui, on en avait parlé. Après, ce qui est terrible, et c'est notamment, j'ai entendu parler de ce mariage à 60 millions, ouais. C'est quand il pleut. C'est vrai, ouais. Parce que c'est vrai, je veux dire, tu dépenses 60 millions, vol d'hirondelles. Investir dans un petit barnum, un truc qui protège de la pluie. Mais t'as vu les vidéos de ce mariage? Alors, on n'en parlait pas trop. Il y a des petits jeux, mais tu vas sûrement avoir les réponses. Mais justement, ce mariage de Madeleine et Jacob avec 60 millions de dollars, c'est l'endroit où on se marie. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs endroits. Ouais. Ah, il y a eu plusieurs endroits. Déjà. Très énervant déjà. Plusieurs endroits. Non, arrête. Ils ont privatisé déjà pour s'unir. L'endroit pour s'unir. Tu l'as, Rosa? Versailles. Alors non, Versailles, ouais, c'est l'endroit où les invités. C'est le Airbnb des L'Opéra invités. L'Opéra Garnier, bon. Exactement. Ah, c'est en France? Ah, ils sont mariés en France. Ok. Ils sont mariés en France. Très ils ont privatisé. Déjà, très énervant, l'Opéra Garnier. Pour qui tu te prends de te marier à l'Opéra Garnier? Ils ont privatisé l'Opéra Garnier. Je trouve que c'est une métaphore, c'est triste que ça raconte de ce qu'est devenu Paris, quoi. Tu vois, c'est juste une foire à mariage pour milliardaires américains, quoi. Ah, mais attends, avant c'est des Américains, mais ils sont mariés en France, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Ils ont vu Emily in Paris. Bah là, ça ressemble un peu à ça. En fait, tout est privatisable. À un moment, genre, tu pourras privatiser l'Elysée et le président, il sera là, éclatez-vous, attention. Pas trop de bruit, je me couche, je me couche pas tard. Non, mais en fait, je me dis, ils ont dû. Alors, ça quand même. Une somme colossale, mais ils ont dû privatiser, je pense, 1h30, 2h chaque truc. Je pense, ils ont pas, enfin, tu vois, vu qu'il y a 12 lieux différents. Ils ont pris le métro après. Ouais, après, ils sont allés 12, en métro. Et 12 ça lieux. Non, pas 12, mais il y en a beaucoup. Il y a le Palais Garnier, l'Opéra de Paris, le Château de Versailles où ils logent. La Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, oui, parce que c'est un mariage, il y a eu des activités. Alors, est-ce que vous savez une des activités qu'ont dû faire les demoiselles d'honneur? Parce qu'il y a des petits jeux dans les mariages. Non. Squid Game. 60 millions. Squid Game. Un spa de malade mental. Vous avez vu ça d'ailleurs, le oui, nouveau... alors. On parle du jeu Squid Game. La réalité Squid Game. Oui. C'est-à-dire que en gros, Squid Game, vous voyez la série Squid Game? Bien sûr. Le principe, c'est des gens qui jouent à des jeux nuls d'enfants, mais l'enjeu, c'est qu'ils peuvent mourir. Oui. Mais sinon, les jeux, c'est 1, 2, 3 soleils, donc de la merde. Et là, il y a des gens qui ont dit, hey, on va le refaire, mais tu peux pas mourir. Ah, c'est de la merde. C'est la merde. Tu joues à 1, 2, 3 soleil. C'est Gulli. C'est nul à chier. C'est en fait, vous savez ce que ça s'appelle? Et c'était beaucoup plus dangereux en France. Ça s'appelle Interville. Oui. Et ouais. En fait, Interville. Mais même pas. Interville. Là, il y avait un taureau. Ouais, ouais, oui, non, c'était dangereux. Là, c'est genre 1, 2, 3 soleil. Ah, j'ai perdu. Donc, du coup, on va me taser. Non, non, t'as perdu. Oui, pour au moins les comme quand j'avais 8 ans. Super. Moi, je pense. Mais ils leur tirent pas dessus au paintball au moins? Non, il y a pas un tout petit peu de violence. J'en sais rien, mais ça m'énerve. Mister Beast l'a déjà fait en plus. Donc oui, qu'est-ce que faisaient les demoiselles d'honneur? Ah, elles ont fait un tour d'hélico. Karaoké? Non, pas un karaoké. Alors un truc pour ça en mettre plein la vue. De milliardaires, ouais, bah ouais. Ouais. En fait, c'est un atelier. Elles ont pollué la planète. Oh là là, dans aller dans l'espace. Elles ont fait un truc chez Chanel, non? Des petites trucs de haute couture. Un défilé? Ouais, c'est ça. Pile dedans. Bravo. Elles ont tout simplement fabriqué leur propre sac de marque de luxe à la suite de la maison haute couture Chanel. Allez. Oh, wow. Si j'avais été prévenu à l'avance de ce mariage, j'aurais tout fait pour le saborder. On va monter d'un cran à chaque fois. Attache ta petite ceinture. Alors il y avait une activité assez basique. Il y avait une balade en bateau sur la Seine. Tu l'as dit tout à l'heure. En fait, leur brunch s'est fait en haut de la Tour Eiffel, mais quand même, qui a été vidé de tout touriste, ouais, pour permettre un shooting photo exceptionnel. Entièrement privatisé. Voilà. Mais déjà, moi, dormir au château de Versailles, enfin, pas dormir chez moi, on est allé à un mariage récemment avec les cocos. Moi, je suis rentré chez moi la nuit. Les cocos. Bah, vous êtes deux cocos. Ah non, non, mais vous êtes les cocos. Mais c'était pas loin de Paris. C'était à 1h et quelques de Paris. Ouais. Mais petite voiture à 4h du mat, quand même, parce que je déteste pas dormir chez moi. Tu sais, il y a des gens, ils aiment pas faire caca en dehors de chez eux. Moi, je déteste pas dormir chez moi. Et ben moi, c'est vacances. Il a chié 6 fois, par contre, pendant le. Oui, mais moi, j'adore chier chez les autres. Je ne chie plus chez moi. Ouais. Je ne chie chez les autres. Mais comment tu fais en vacances? Non, mais en vacances, c'est l'hôtel. Bah là, vous auriez dormi dans un hôtel. Ah non, on aurait dormi chez eux, dans des gîtes, ou des trucs comme ça. Un infâme gîte. C'est juste des goûts de luxe, quoi. Mais voilà, c'est ça. Alors, il y a de ça. Non, non, non. Une des options de couchage était un dortoir. Tu dormais à 10 dans la même pièce. On vous embrasse, Robinson et Sarah. Mais je suis très ravi d'avoir partagé ta voiture. Quand on a une bite de chauve-souris, très gênant. Très, oui, voilà. Ouais. C'est ça, tu peux pas. Ça que j'ai préféré qu'il m'amène. Et donc, pour la fête de mariage, les convives ont pu faire la fête au château de la Villette, mais qui pouvait. Villette? Pas loin de chez moi, j'aurais pu aller. Au château de la Villette, mais qui? Parce qu'il y a des DJ souvent au mariage. Je sais, mais je l'ai lu, donc je vais pas le dire. Ah, le gars qui a fait le truc McDo là, qui a fait le menu McDo. Ah, DJ Snake. Pardon, attends, j'ai essayé. C'est comme ça que tu désignes DJ Snake en disant le gars qui a fait le menu McDo. J'ai vachement de trous de mémoire en ce moment, je sais pas. Ah, mais bienvenue. Je l'avais plus en tête. DJ Snake. Ouais. Et encore. C'est pas lui. Alors, c'est pas un DJ. Je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui a fait de la musique. Ouais. Au concert. C'est quelqu'un. Ah, il y a eu un chanteur donc. Un chanteur, c'est un chanteur. C'est pas un groupe, c'est un chanteur. C'est un chanteur d'un groupe. Sting. Pas Sting. Il est français. Récent. Pas français. Récent, plutôt récent. Mais il est là depuis quelques temps, mais il est récent. Bruno Mars, non. Non. Attends. The Weeknd. Non. Alors attends. Plus rock, on peut dire. Enfin, c'est pas vraiment du rock, c'est pop rock. Damien XVI. Zazie. Attends. Pas français, tu dis? Non. Un carré des States. Alors, je crois qu'il est anglais, mais oui, enfin anglo-saxon. Ah, Ed Sheeran. Non, pas Ed Sheeran. Attends, il fait partie d'un groupe. Américain, non? Il est connu en son nom propre ou Un petit peu, mais il fait pas d'album solo, quoi. Ok, donc voilà. C'est le chanteur d'un groupe connu, quoi. C'est ça. Il est américain, excusez-moi. En fait, c'était pas le groupe entier qui non, était. Non, il était que lui. Que lui. Que lui. Les autres, d'ailleurs, il est le trop groupe cher. Devait être deg. Ouais. Il devait dire, bon, on coûte moins cher. On et pu... c'est 1 ou 2,5 millions pour c'est le ça. Faire se déplacer, lui. C'est ça. Wow. On a les salaires, Rosa. Ah non. Ouais. C'est... Attends, rock, tu dis Pop rock. Ouais. Rock voisine. Melon justine, enfin. Mais son blaze est connu, le mec. Bof. Son blaze est moins connu que le groupe. Oui, tu peux dire, c'est le chanteur de tel groupe. Ça va vous aider. Le chanteur des Black Keys. Non. Plus connu, le groupe. Truc un peu romantique, un peu quand même. Ouais, que t'aimes pas du tout. On en a même parlé, toi et moi, ensemble. Les Red Hot? Non. Un truc romantique? Un peu, ouais. Et toi, t'aimes bien? Ah non, moi j'aime pas du tout. Tu sais ce que c'est que cette connerie? Enfin, j'aime pas du tout. Je m'adore, mais. Maroon 5. Ouais. Et comment s'appelle le chanteur? J'ai oublié. Ouais. Donne-moi les initiales. A.L. Un nom juif. J'ai la flemme de trouver. Adam Levine. Bravo. Bien, ouais. Attends, mais les gars, ils pouvaient avoir Beyoncé pour ce prix-là. Non, pour ce prix-là. T'as Maroon 5, je pense. Justine, tu connais beaucoup en avoir parisien, mais en salaire de vedette. Non. 1,5 million quand même. 1,5 million, tu peux. Ouais, je sais pas qui te dit. Mais tu vois, ils sont milliardaires ces gens ou millionnaires? Ah, milliardaires, 60 millions de mariage. C'est vraiment typique des milliardaires, quoi. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux de ton argent et tu prends Maroon 5. Mais je sais pas si ça fait partie de la suite de ton quiz. Non, j'arrive à la fin là, vas-y. Alors, on peut aussi dire que par rapport au coût de ce mariage, en tout cas là où j'ai lu mes informations, ils comptaient se rembourser une partie des frais en donnant des noms de marques dans les vidéos qu'ils ont partagées sur TikTok. Marques d'alcool, etc. Ah ouais, ils sponsorisaient leur mariage. Un petit peu. Terrible. De très belles personnes. J'ai envie de les connaître. Et là, je repense à ce que tu disais sur quand ils vont divorcer. Et là tu vas te dire quelle horreur. Se trouve, ils se sont fait de la thune sur leur mariage. Non, je pense pas. 60 millions, il faut les remplir. C'est quand une sacrée OP. Ouais. Il y a des gens qui se font de la thune sur leur mariage. En fait, ils font des travaux chez eux, puis ils font une petite liste de mariages. Ouais, un mariage pas cher, mais une liste. Et c'est pas du tout pour acheter un canapé. Enfin, si, c'est pour acheter un canapé. Ouais. Et ils se meublent leur appart. J'ai envie de me marier. T'as pas pris le bon prisme, en fait, c'est juste ça. Alors, nous, on a été invités à un mariage récemment, c'était très sympa. Nous deux et Justine, les cocos dans la voiture. Et en fait, nous, c'était marrant. Je veux savoir ton avis, Rosa, sur ce que tu en penses. C'était un mariage surprise. Ouais, j'ai vu vos stories. C'est fou quand même ce truc. Était invités, ils nous avaient dit venez, on va fêter notre anniversaire. Sachant commun. Que Robinson avait, enfin, toujours d'ailleurs, 40 ans. Et Sarah, 35 ans. Donc, ça faisait un peu grosse date, quoi. Ouais. Si on était allé pour ses 37 ans, bon, j'aurais fait, tu te la joues. Mais 40 ans, ça pouvait être à une heure de Paris, avec des gîtes, etc. Ouais, moi, c'était juste. Je savais même pas quel âge ils avaient. Je disais, ouais, un anniversaire, quoi. Sachant que quand ils nous ont annoncé qu'ils étaient mariés, Adrien a dit, bon, je croyais qu'ils étaient déjà mariés, moi. Oui, casseur d'ambiance. Non, il a dit très doucement. Je l'ai pas gagné dans la pièce. Oui, il a pas fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il vous racontez? Non, mais du coup, ouais, on croyait venir à un anniversaire. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé avec 2 heures de retard. On est arrivé par ta faute. Par ma faute. Voilà, c'est la phrase exacte. Sachant que les mariés, ceux qui écoutent le podcast sachent, Adrien est arrivé à l'heure et j'ai dit attends, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Est-ce que je peux raconter ça? Parce que je me demandais si j'ai... Bah en plus, je crois que quand c'est arrivé, j'ai dit je vais le dire dans le podcast. J'arrive et Florent m'accueille et il dit bon, on va pas partir tout de suite parce que je me suis commandé un petit déj. Donc je me dis oh, le fin gourmet. Il a dû se commander un petit brunch là avec des petites barquettes de trucs, des œufs brouillés. Qu'est-ce qu'il avait commandé? Un paquet de princes. Des chocs à pic. Il y avait tout le truc. Hein. Voilà. Et donc, moi je fais pas gaffe. On discute et tout, puis je le vois et il est en train de manger des chocs à pic, en train de tremper des princes dedans et je fais. C'est ça le petit déj que t'as commandé. Bah, qui méritait qu'on arrive en retard au mariage d'un de mes meilleurs potes. Tu t'es fait livrer des princes et des chocs à pic et du lait, tout le truc. Mais un petit déj, quoi. On était en retard, j'étais en jogging. Je me suis fait mon kiff et donc on arrive là et je suis arrivé dans un look. Mais alors. Schlagos. Horrible. De craquer de Stalingrad. Horrible, mais bon, pour un mariage, pas ouf quoi. Bah, déjà pour un anniversaire, pas ouf. Mais pour un mariage, une cata. Et donc ils nous font un moment, ils disent voilà, on va faire une activité. On va tous aller à la mairie parce qu'en fait on va se marier. Surprise. Et là on est tombé. D'autant plus pour moi. Et moi vraiment j'ai rien vu venir et comble de la folie du truc, ma meuf était parfaitement au courant et moi pas du tout. Attends, on peut dire un truc. Oui, on oublie de dire quelque chose. On t'a appelé pour que tu sois témoin. Oui, je suis habillé comme un schlag. J'étais témoin du marié. Il était témoin habillé comme un gros schlag. On aurait dit un golden retriever à qui on avait mis un petit nœud pape. Il comprenait pas ce qui se passait, ce qu'on leur a collé. C'est hyper romantique. Je veux le film. Non, c'est super mignon. Ça, en l'occurrence, incroyable. J'ai adoré. C'était un super mariage. Et comme discours, donc tu l'as improvisé. Non, parce qu'on avait 2-3 heures devant nous. Du coup, ils l'ont dit le midi et c'était le soir qu'on faisait les discours. Et on n'a pas fait qu'un discours parce que du coup, avec Adrien, Axel Malivernet, qui est déjà venu ici, même il y a Natou qui est venu, enfin il y avait plusieurs invités. On a fait à la hâte, sur un ordi portable, un film de mariage dégueulasse. Montage. Mais nul exprès, tu vois, avec des transitions cœur, avec des fois c'est des. C'est charmant. On s'est régalé. On s'est régalé et j'ai fait mon petit discours. On a bien ri et après il a écrit son discours qui était super. C'est gentil. Bon, il rate jamais ce mec. Bah bien sûr. Moi ce que ça m'évoque, c'est que là, typiquement, c'est un peu un mariage de l'amitié, tu vois. Ouais. Moi, je suis allée à un mariage comme ça où en fait c'était pas du tout les parents qui faisaient des discours, c'était un peu eux qui l'avaient fait. Pour être avec leurs potes et pour célébrer le fait que leur amour se vivait au sein d'une communauté d'amis, quoi. Ouais, mais je crois que Sarah a un peu ça aussi. Je pense qu'il y a un truc. Ça et le côté. Robinson disait personne ne m'a emmerdé. Alors et ton mariage et là sur la prépa, etc. Il était vraiment totalement détaché. Justement, c'est génial. Pas de stress. Mais ça rejoint. C'est là qu'on découvre qu'il y avait vraiment une wedding planeuse. Mais ah, mais il y en avait une. C'est pour te dire le débile que je suis. C'est-à-dire qu'on arrive en voiture. On est tous. Mais vraiment, moi, j'ai rien vu venir. Et il y a Oui, c'est moi la partie planeuse. Et vraiment, je commence. Qui nous accueille, tu vois. Qui nous accueille. Elle dit, on est l'assistante partie planeuse. Assistante partie planeuse, elle a un talkie-walkie, hein. Et moi, vraiment, le début, ils se la jouent les deux, là, pour qu'ils se prennent. Ah ouais, ça va, c'est qu'un anniversaire. Je n'ai rien vu venir. Bah, on a rien vu. Bernet. Ah bah là, Bernie Bernard. C'est moi. Nicolas Bernet. Je rejoins ce que tu dis, je culpabilisais un peu. Je dis, mais vous avez, en fait, vous êtes fait chier vraiment à organiser un truc de malade. Parce que c'était vraiment. Ils avaient vraiment oui, fait oui, un oui. truc très très beau. C'était pas à l'arrache, hein. Pas du tout. C'était magnifique. C'était les traiteurs, les trucs et tout. Pour. Nous qui n'avons rien fait. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez tout le fait. Vous aviez des cadeaux. Pour un mariage, tu aides, t'as les cadeaux. C'est très généreux. Cadeaux, ouais. Vous aviez des cadeaux d'anniversaire alors là, ou pas moi, cadeaux d'anniversaire. Comptez ouais, pas sur moi pour vous aider pour j'ai offert, mariage, écoutez bien, pour du coup le mariage d'un de mes meilleurs amis, j'ai offert un t-shirt Les Ailes de l'Enfer. Du coup, parce que c'était son anniversaire. Ouais, mais justement, c'est généreux parce que en fait, c'est aussi un peu une douille les mariages où tu demandes aux gens de claquer de la thune et dans la liste de cadeaux et dans l'allocation de l'hôtel. Mais tu vois, j'en discute. J'étais un peu avec ma compagne qui était au courant. Moi, on ne m'a rien dit. Et puis, moi, tu te rends compte de rien. Venir. Rien. Si elle te trompe, tu t'en rendrais compte ah, ou pas? Non, c'est sûr non. que non. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que non. Moi, je suis vraiment. je tombe de l'arbre. Tu vois, c'est vraiment pour te dire. Et si elle te trompe et qu'elle nous le dit? Et puis, ouais, on saura que. On organise une fête où tout réunit. Il y a une cheating planeuse. Alors, on t'a fait un petit discours. Florent, en fait, ça fait deux ans que tu es cocu. Non, mais le truc, c'est que. C'est qu'Adrien aussi avait des super cadeaux. C'est ça, alors tu dis que. T'as... Parce qu'en fait, nous, on y allait pour un anniversaire. Donc, pour Robinson. Donc, au final, pour son mariage, je lui ai offert. The Way, un livre qui s'appelle The Way of the Shadow Wolves, écrit par Steven Seagal. Je lui ai offert Au-delà des défis, ma vie, écrit par Chuck Norris. Et le livre Pensée percutante, écrit par Bruce Lee. Mais c'est pas fou comme cadeau de mariage, ouais, au final. Mais c'est génial. En fait, ce que disait Robinson, à mon mariage, il n'y avait que des gens qui avaient envie d'être là. Parce qu'il a eu des coups de fil le matin. J'ai une gastro, en fait, moi j'ai un problème. C'était un vrai truc. Après, c'était peut-être vrai, hein, cela dit. Oui, mais je pense que, pour ne pas les nommer, les gens qui n'étaient pas là, finalement, se seraient forcés à venir si ça avait été un mariage. Alors, et du coup, j'ai d'ailleurs un truc là-dessus. Non, vas-y, pardon. Et j'ai vite fini. Ok, pardon. Non, bah, parce qu'il y a... Bon, on peut le dire, Ludoc n'a pas pu venir parce qu'il avait la grippe. Ouais. Donc, il avait la grippe, il était malade. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais c'est dommage, il faut qu'on l'appelle, qu'il vienne !» Une fois qu'on savait que c'était un mariage. Bah non, il est malade. Il a la grippe, ne l'appelez pas. Je l'adore, mais il a la grippe, j'ai pas envie. D'ailleurs, je suis en fin de maladie, ouais. Je l'ai totalement chopé à ce mariage. Ah ouais. J'ai chopé la crève. Mais il n'y a pas Ludoc pourtant, c'est bizarre. Bah non, mais t'inquiète pas qu'il y en avait qui avaient la crève et qui l'ont pris à tout le monde. Alors, sans doute, les cuistots. J'ai ah, c'est eux qui touchent la bouffe de tout le monde. Au final, on est. Je peux juste faire une parenthèse pour la journée. Enfin. Beaucoup de temps, c'est le floodcast du mariage ou quoi? Jérôme Niel, il nous prépare une demande en mariage à la fin du floodcast. Jérôme Niel a envoyé une vidéo oui. qui mignon. Était incroyable depuis Metz, je crois, où tout le public a hurlé vive les mariés. Ouais. Et c'est parce qu'il n'était pas au courant, évidemment, non plus. Il était dégoûté de ne pas être venu. Il a fait ça spontanément. Voilà, c'était trop lui, bien. Il pouvait vraiment pas. Lui, non, il avait une très bonne excuse, il était sur scène. Là, ouais. Encore un qui rate pas celui-là. Il rate jamais, c'est le meilleur, je l'adore. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT parce que j'ai été témoin de mariage. Alors, je l'ai pas écrit avec ChatGPT à mon discours quand non, même, non, je me suis non. fait chier. Mais pour vous trois, si je devais être témoin de votre mariage, j'ai demandé à ChatGPT ce que ça donnerait si je devais faire un discours. Vas-y. Alors, Rosa, c'est avec une immense joie et une pointe d'anticipation que je me tiens ici tu aujourd'hui. Il y a une pointe d'antisémitisme. Moi aussi, j'ai pas entendu ça. C'est la mise à jour de ChatGPT. Ça commence très très mal. Pour célébrer l'amour et l'union de notre amie extraordinaire. Vous la connaissez peut-être grâce à son podcast, une plongée audacieuse et humoristique dans le monde des mecs qui l'attirent sexuellement. Rosa, une humoriste qui navigue avec aisance dans les eaux parfois tumultueuses de la séduction, nous embarque dans un voyage hilarant à travers ses rencontres et ses expériences. C'est devenu une promo, hein. C'est vraiment France Inter. Il est clair que son talent pour parler ouvertement de sujets intimes et parfois délicats a su captiver de nombreux éditeurs, dont son mari. Oh, tellement pas. Donc, tu te maries avec ton éditeur dans ce scénario. Donc. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour entre Rosa et son époux. Nous rendons hommage à la femme derrière le micro qui a transformé des histoires personnelles en éclat de rire partagé. C'est un mariage qui promet d'être aussi unique et captivant que les épisodes de son podcast. Sublime. Bon, on ne va pas être remplacé par les IA tout de suite. Non, on dit waouh, mais quelqu'un qui écrit ça, c'est quand même un énorme ringard. Une belle merde. Adrien. Aïe, aïe, aïe. Chers amis et familles réunies, aujourd'hui je me tiens ici avec une immense joie et l'honneur de célébrer l'amour extraordinaire entre Adrien Méniel et sa fiancée. Certains d'entre vous connaissent peut-être Adrien comme le maître du joystick, explorant des mondes virtuels avec une passion inégalée. D'autres peuvent l'apprécier pour son humour aiguisé qui peut transformer n'importe quel moment en un spectacle hilarant. Ça, wow, c'est bien vrai. Adrien n'est peut-être pas l'oiseau le plus bavard, mais il a un talent rare pour faire rire. Sa comédie, c'est comme un bon jeu indépendant, un peu étrange, totalement captivante et impossible à oublier. Oh waouh! Pas mal, pas, pas mal. Si mal hein. Aujourd'hui, nous... Pas si mal. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux âmes exceptionnelles, mais aussi le début d'une aventure encore plus passionnante que la quête de son personnage préféré dans un jeu vidéo indépendant. On dirait vraiment quelqu'un qui a essayé d'écrire un truc sur les jeux vidéo, mais qui a jamais joué à un jeu. Son personnage préféré. Tu parles duquel? Et sa fiancée, que votre mariage soit aussi joyeux, imprévisible et mémorable que les jeux auxquels Adrien accorde tant d'amour et qui occupent tellement son crâne chauve. Santé. Ah non, là c'est toi qui a... s'est rajouté. Santé aux mariés. Magnifique. Ouais. Pas mal. À chaque fois, épousé un jeu vidéo, clairement. C'est ça, ouais, un gros geekos. Non, mais à chaque fois, je donnais des petits tips sur la personnalité. Est-ce que là, ça te donne un peu envie de te marier, Adrien, quand t'entends ça? Bah, déjà, c'est vraiment un discours qui ne fait jamais mention de ma femme, du coup. Oui, parce que je respecte toutes les femmes. Si t'as une femme, elle n'a absolument aucune personnalité. Personne ne l'aime. Tu t'es auto-marié, tu t'es marié à toi-même, quoi. Ah ouais. Ce qui existe aussi. Ouais, des gens qui et marié avec ChatGPT. Oh là là. C'est ce qui me pendait. Apparemment. Justine. D'ailleurs, parenthèse, arrêtez de m'envoyer tous les trucs qui parlent d'IA. Je suis pas passionné d'IA, arrêtez de m'envoyer. J'en ai rien à foutre. Moi, on m'a même envoyé que je critiquais trop les IA. On m'a dit, mais oui, tu n'as rien compris à ce que ça va apporter au monde. Oui, mais Vogel aussi. C'est pas ce que je dis. Non, mais tout, de toute façon, voilà. Tu reçois toi après ton podcast beaucoup de messages qui disent alors je peux permettre de te reprendre quand même Mathieu. Ah ouais, oui, un petit peu. Mais pas sur les IA. Oui non. Juste sur le cul. Là, sur la congélation de vos sites, j'ai eu. Oui, c'est vrai, mais t'as pris. Ah mais j'ai vu le. Ouais. Oh là là, les gens sont. Bah, pour expliquer aux gens quand même, t'as pris parole sur ce sujet. Ouais, récemment. J'ai congelé mes ovocytes, j'en ai parlé dans des épisodes de mon podcast et j'ai reçu des messages de meufs un peu genre anti-vax. Tu sais, en me disant attention aux hormones ou aux médicaments pour congeler ses ovocytes, tu vas avoir une maladie et tu vas mourir. Oui, oui, merci. Oui. Madame. Non, mais il y a même des gens qui disent oh, c'est égoïste. Ah non, non, non, pardon, je confonds totalement avec. Moi, un autre c'est sujet. Rosa. Oui, c'est ça, fait, attends. Et bah, le podcast. Non, non, en fait, je confonds avec les gens qui. Bah, c'est Salomé Sake, la journaliste, qui a dit qu'elle voulait pas d'enfant et elle s'est pris un shitstorm. Ouais. Genre, c'est égoïste de pas vouloir d'enfant, ce qui est une aberration pour moi, un non-sens total, quoi. Ouais. De dire c'est égoïste de pas vouloir d'enfant, alors que pour moi, c'est l'inverse, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle et intelligente. Ouais. Est-ce que je peux avoir mon discours? Oui, c'est vrai. Et juste pour Salomé Sake, et ce qui est fou, c'est que genre une semaine après, c'était elle Thomas. S'est fait saquer. C'est un, mais c'est Thomas Pesquet le... qui a dit plus ou moins la même chose. Oui, et genre, bravo. Bah ouais, parce que le mec. Il a la tête dans la lune, il peut pas être avec ses gosses, bravo à lui. Ouais. Là, on a. Les gens sont vraiment. Ils apparaissent sous leur meilleur jour en ce moment, c'est. Pas du tout énervant de lire tout chez soi là. Oh là là, l'humanité vraiment tu brille veux, de mille feux. Tu veux que je mette un peu d'amour dans tout ça? Ouais, s'il te plaît, allez, Justine, regarde, elle a des étoiles dans les yeux. Ah oui. Avant tout, permettez-moi de vous transporter en Bretagne. Où le vent marin danse avec les cheveux roux de notre incroyable mariée, Justine Le Potier. Oui. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que témoin privilégié de l'union de cette force de la nature avec merci. Son mari. Je dois vous dire, Justine Le Potier a toujours su captiver son audience, que ce soit sur scène, en tant que comédienne talentueuse, ou simplement autour d'une table. En parlant de table, Permettez-moi de partager une anecdote mémorable. Non. Un jour dans le métro, alors que certains d'entre vous seraient prudents avec leur déjeuner, Justine, guidée par une inspiration soudaine ou une rencontre inattendue avec Julianne Balasco, qu'elle connaît, a offert au métro parisien une performance unique à son genre. Oui, une performance qui mériterait presque une mention dans le prochain film de Josiane Balasco. Oh wow, mais c'est cette capacité à trouver l'humour dans les moments inattendus qui rend Justine si spéciale. Et puis, elle connaît Josiane Balasco. Aujourd'hui, en plus de célébrer l'amour entre Justine et son époux, nous honorons également cette amitié spéciale avec Josiane Balasco, oh, qui a clairement eu un impact sur Justine. Alors, levons nos verres, à l'amour. Levons nos verres à l'amour, à l'amitié. Moi, je peux techniquement. L'amour à l'amitié et à Josiane Balasco. Félicitations au couple et à l'amitié qui persiste comme une punchline dans une comédie qui ne fait que commencer. Une comédie avec Josiane Balasco. Je l'ai épousée en retouché fait. Ou pas? T'as retouché non, un peu bien ou pas? Non, sûr. J'ai dit, j'ai la phrase, j'ai dit, écris-moi un discours de témoin de mariage. En insistant beaucoup sur le fait qu'elle n'en. C'est ça. Pour Justine Le Potier, une amie rousse, comédienne bretonne, en rappelant régulièrement qu'elle connaît Josiane Balasco, sachant qu'il faut aussi mentionner une anecdote où elle dégueule dans un métro. Incroyable. Mais, un beau résumé. Mais il a été délicat parce qu'il a pas, il a jamais non, il a dit qu'elle dit. A dégueulé. Exactement. Non, elle rentre le déjeuner. Et à un moment, il fait un truc bizarre où il dit, en parlant de table, Parlons du métro. Et ça, il a un peu merdé. Tu critiques trop les IA. Alors, on parle de mariage, effectivement. Nous, on a beaucoup chanté. J'ai lu un article amusant sur Combini qui disait que les gens ne choisissaient pas trop les chansons de rap au karaoké. Et c'est vrai que le. C'est super dur. Ceci dit, autour de la table, on a Adrien Méniel qui, à chaque fois, enchaîne les deux membres de la chanson Ménélic Bye Bye. Il passe de l'un à l'autre avec une aisance. Je la connais par cœur. Et il passe de la meuf au mec à une vitesse, mais c'est. Tu peux nous faire un petit extrait? Bien sûr que non. Attends. Pull up. Et aussi la partie rappée de début de soirée et tu chantes que je connais par cœur. Et aussi. Moi j'ai entendu quelqu'un dans une voiture, Adrien Méniel, Rof. Oui aussi. T'es aussi de Rof un peu. Tu fais Femme Like You? Non, je la connais pas celle-là. Non, femme... non mais tu sais, il a des. C'est précis. Non. J'ai rappé à l'Olympia aussi, déguisé en singe. C'est pas mon CV, comme, mais bon, voilà. Comme Jacques Brel. Il y a toi et Jacques Brel qui avait fait ça. Il a dégueulé. On est plus sur le domaine de Justine. Il a dégueulé, Jacques Brel. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça un karaoké? C'est japonais. C'est japonais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui se met en avant. Non, mais bien j'ai inventé. J'ai inventé, mais avec beaucoup d'aplomb. Ah ouais, c'est fou. C'est ce qui fait. Beaucoup de gens font leur carrière là-dessus. Mais, Ça veut dire chante mal? Non, chante non, faux non. Ça c'est un. Est-ce qu'il y a le concept de chanson dedans? Pas vraiment de chanson, mais de musique. Dire les mots sans chanter. Non. Karaoké. Donc il y a ça parle de musique. Mimer. Ouais. Mimer. Musique mimer, des gens. Musique du peuple. Non. Merci non, pour non. la musique. Qui est ton album aussi. Ton album où tu reprends Charles Trenet. Sa musique préférée? Non. La musique sera mauvaise. Je peux vous dire qu'il y a le mot musique. Il y a pas. Je vais vous dire que déjà il y a OK. Et okay, une abréviation. Ah, c'est une référence à Christian Clavier. Clavier. OK, c'est une abréviation de OK Sutura qui signifie orchestre. Voilà. Ah, ça veut dire une personne orchestre? Non. C'est Rémi Bricard. L'homme orchestre. Putain, attends, non. C'est orchestre petit orchestre, non, ou orchestre personnel de chambre, orchestre d'amis entre non, amis. C'est je vais vous le dire, c'est orchestre vide. Tout simplement. Oh, c'est très poétique. Ah bah oui. Très japonais. Bah oui, c'est un mélange de tradition et de modernité. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement triste, c'est l'inverse du karaoké. C'est complètement l'inverse, oui, il y a pas d'orchestre. Justine, déjà, tu me craches pas la gueule comme mais ça. Mais enfin, tu vois dans un état de colère. Trouve un meilleur nom, on va trouver un meilleur nom. Non, mais parce que ça vient de Deisuke Inoue, qui était un musicien ça japonais. Ça se prononce certainement pas comme ça. Oui, d'ailleurs, pardon à ceux qui nous écoutent. Un musicien japonais qui a créé la première machine de karaoké en 71, mais en fait, il le savait pas, il faisait partie d'un groupe et les gens ils disaient Ouais, mais chante pas. Et donc il jouait de la musique et les gens chantaient à sa place. Et au moment, il a fait en fait, moi je chante aussi. Donc si vous voulez juste la musique, il a enregistré ses bandes et les gens les diffusaient dans ce restaurant et il chantait par-dessus. Et ainsi est né le karaoké. Mais il ne l'a jamais déposé. L'histoire est triste quand même. Ah, donc d'où orchestre vide. C'est ça. Est-ce que ça fait du karaoké autour de la table? Ah, bien sûr. Ah ouais? Bah, est-ce que tu vas au BAM par karaoké? Non. Bah en moi, fait, ouais. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. S'il y a karaoké, je vais pousser la chansonnette. Ouais. Après, je vais pas organiser. Je trouve que c'est quand même. J'étais à un anniversaire d'amis. Tout l'après-midi, on a fait du karaoké. À un moment, j'avais les oreilles en feu, j'en pouvais plus. Tout l'après-midi, c'est beaucoup. Tout l'après-midi. Et je sais parce que ils ont un enfant, deux enfants. Tu vois. Ou deux enfants maintenant, tu vois, il fallait qu'ils les récupèrent et ils ont tout mis leur énergie dans le karaoké. Il y a un truc très désespéré dans la fatigue avec laquelle ils chantaient. Les chansons étaient en fois 1,5. Non, faut en faire plein, faut en faire plein. Ouais, et puis tu sais, il faut se bourrer la gueule, faut prendre des shots et tout. C'est vraiment pas obligatoire. Hein. Ça, c'est toi qui as tes propres règles. On m'a dit Rosa va dans cette pièce, t'as se cacher. Parce que je suis du reste de la soirée. Ouais, alors c'est pas un karaoké que t'as fait, malheureusement. C'était une soirée avec un sénateur. Mais donc il savait pas, ce qu'il y avait. Il ne boit pas d'alcool. Normal. Arrêtez. Mais oui, les BAM karaoké, moi ça m'a surpris. C'est des trucs pour, je sais pas si les gens connaissent. D'ailleurs, quand j'ai participé au Cozy Corner, on l'a fait à BAM karaoké et c'était entrecoupé de, on a chanté. Alors qu'est-ce que c'est drôle. Bah les BAM karaoké, c'est des pièces qui sont réservées que pour le karaoké. Et en fait, c'est dans une salle. T'as jamais fait ça, Justine? Mais il me montre du doigt. Bah oui, bah quoi alors. Non, on va le faire. T'arrives, il y a genre 6-7 pièces insonorisées évidemment. Tu vas avec tes amis ou seul si tu aimes chanter seul et tu peux commander des verres pendant le truc et tout et tu es dans une salle et tu fais du karaoké à donf. Alors est-ce que c'est le truc chinois qu'on avait fait à Belleville? Il y a alors, à déjà, Paris. Tu dis ça, je n'étais pas là. Mais si, tu n'étais pas moi. Invité, mais pas mais du si, tout. Si, c'est des sous-sols dans des restaurants chinois. Mais jamais je suis allé là-bas. Tu confonds, c'est terrible. Je pense qu'on t'avait drogué c'est aussi. Un événement où je n'étais pas invité, mais malheureusement. Si, t'étais là, il y avait pas tout. Mais Adrien, il y avait tout Golden. T'étais pas là. Je te jure que j'ai jamais fait ça. T'as été invité, t'as pas voulu venir. Bon. Ça peut être, mais en tout cas, j'y étais pas. Tu étais dans la pensée avec nous, alors ce soir. Génial. Et en fait, c'est à Belleville, il y a beaucoup de karaoké visiblement. Oui, oui. C'est des restos chinois, ils te font descendre après dans et c'est vraiment une ambiance incroyable. Oui, mais là, il y a devant des gens que tu connais pas. Il y a des gens qui te regardent. Et donc, ouais, oui, mais bam, c'est quoi, c'est privatisé. Non, c'est avec des amis, c'est privatisé. Déjà, il tu peux vient dire bam. Hein. Il vient de t'expliquer. Ok. Et d'accord. En fait, c'est juste toi, t'es en groupe. Quoi. Là, par exemple, si on voulait se faire un petit bam karaoké tous ensemble, hop, on y va. On est quatre dans la pièce. La pièce, elle fait la moitié du salon là, en gros. C'est tout petit. Ah, c'est parce que. Et t'as un grand écran. Moi, je trouve ça un peu sale. Entre, tu restes avec tes amis. Il y a pas des gens que tu connais pas. D'accord. Et t'as un écran et t'as une petite tablette et tu rajoutes des chansons. Fond, t'as un catalogue énorme et tu ajoutes les chansons. C'est des sessions que tu décides. Tu payes pour une heure, voilà. Deux heures. Et avec la tablette, heures, tu commandes des boissons. C'est comme un bowling. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est un bowling du karaoké. Mais voilà, j'avais lu un livre, un truc un peu glauque, qui disait qu'au Japon, c'est tellement important les karaokés. Il y a tellement de pression autour du karaoké qu'il y a des gens qui vont s'entraîner au karaoké tout seuls. Pour pouvoir pour s'assurer que lorsqu'ils auront une soirée karaoké entre amis, ils pourront. Ils répètent quoi. Ouais, moi je fais, fais des blind tests tout seul donc je peux pas juger. Non, moi aussi, mais le concept c'est pas de après, chanter c'est bien. Juste pour m'amuser. Moi. Oui, c'est ça, c'est pas de chanter bien pourtant le karaoké. C'est, ça doit. Mais, oui, mais ça peut-être que là-bas. D'ailleurs. Ouais, pardon, vas-y. Je t'en prie, non, je t'en prie. Non, non, il y a un côté énervant quand les gens chantent trop bien au karaoké, on est d'accord. C'est vrai. Genre qu'ils ont leur chanson. Et ils chantent rien d'autre et ils chantent. Ils chantent pas bien. Parce que bon, bah, t'es pas du tout l'esprit. Et Diam Sevita est une chanson un peu longue, si je peux le dire. Voilà. Non, mais là, ok. Toutes les meufs ne sont pas obligées de faire cette chanson pour se donner un côté street. Hein, tu as fait une école de commerce. Calme-toi. On sait que vous êtes copines toutes les deux. Il n'y a pas besoin de nous faire cette chanson. Moi, ce que j'aime dans cette chanson, c'est le retournement de situation à la fin. Il y a un twist. Ah, ouais, non, attention. C'est Shyamalan. C'est un chef-d'œuvre. Ah, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va pas vous la spoiler. Vous n'avez pas écouté, ouais. C'est dommage. Elle la raye sa BM, elle la crève sa BM. Si je peux. Ah ben, ça choisit quelle chanson en karaoké alors? Parce que justement, moi la dernière fois, l'article de Combini m'a plu parce que j'ai voulu faire Without Me. J'étais à un karaoké. Ah oui, t'as fait le malheur. Il a fait le malheur. Je me suis dit, oh, je l'adore. Mais tu sais, pris par les. Mais non, bien sûr que non. Elle est longue, elle est dure. Puis elle est Eminem, quoi. Comme Et je rappe moins bien qu'Eminem, effectivement. Ouais, ouais, oh non, là, t'es dur avec toi-même. Écoutez, non, Florent, vous êtes gentil. Arrête. Rosa, ça choisit quoi? Écoute, moi je peux avoir un côté un peu ringard, enfin vieille c'est France. C'est le principe. Non, mais ce que je vais te dire, c'est que moi je vais peut-être aller même quasiment dans du Edith Piaf, dans du Barbara. Mais je vais bien sûr, là, tu vois, je vais peut-être. Et d'ailleurs, des gens qui prennent des morceaux trop récents, non. J'ai mis un chanteur de jazz à un mariage, Rosa, donc tout va bien. Tu es en famille, ok. Ok, merci. Moi, wow, je peux dire. J'ai envie de pleurer. Moi, c'est Allumer le feu de Johnny, déjà. Qui est quand même l'alliance de Johnny, Zazie et Obispo. T'es vraiment c'est Avengers hétéro. Cette chanson. Adrien Méniel, soit hétéro, quoi. Le cliché. Écoute, moi, je faisais ça pour te sauver de ta idée de cap de merde. Et est-ce que tu l'imites un peu quand tu fais des tu fais. J'imite en effet. Si on nous passe. C'est un fake. Et là, c'est pas une IA, hein. C'est Adrien. Enfin, c'est Adrien qui chante tout à l'heure. Non, bien sûr. Oui, mais j'ai l'impression que les chansons ringardes, c'est ça qui est chouette, quoi. Bah ouais. C'est quand c'est un peu moderne. Oh, je vais chanter. Comment elle s'appelle? Oh là, je suis un ringard. Je cherche le nom de d'une star. Ariana Kamoura? Non, Dua Lipa, putain, quel ringard. C'est très dur. Non, mais c'est. Voilà. Mais les... Ah, j'avoue que je peux être aussi la connasse qui met Angèle. Ah mais non mais c'est pas ça normal. Non mais parce que c'est pas très fun, c'est une petite voix donc ouais, résultat il y a une moyenne ambiance tu vois quand tu non, non. tu vois. Je vais mettre balance ton quoi et il faut bien fermer leur cœur. Typiquement c'est ce que j'ai. Terrible malheureusement. Non mais il y a des chanteurs et chanteuses que j'adore. Ah oui. Je chanterai pas au karaoké. Bah Jacques Brel par exemple dans un karaoké. Voilà. Ça met une ambiance. Simon le Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Bon bah peut-être pas au karaoké. Justine, toi. Brassens. La pédoncule sur l'oreille. Je sais pourquoi elle rigole. Ah oui, c'est alors. Quoi non, mais je peux pas. On peut pas le lancer. Non, non, non. D'accord. En gros, c'est on juste, peut expliquer je peux ce dire que j'ai un personnage qui s'appelle Georges Brassens Horrible. Et c'est juste, je change, je chante pas, comme qui Georges. Qui n'est pas Georges Brassens, Food Nibar, qui est quelqu'un c'est, que... non, c'est différent. C'est pareil, mais c'est qui n'a rien on est quand même assez proche. Et c'est juste, je chante des trucs horribles, dégueulasses, avec la voix de Georges Brassens. Comme. Et il savait. Mais non, mais. Et on a fait ça pour. C'est pas tellement problématique, c'est juste des trucs de cul et des trucs. Hardcore, de pisse et de et j'ai chanté ça pendant une heure. Pendant le, en retour du mariage. Une heure non-stop. Il était 4h du matin dans la voiture. Il a fait Georges Brassens horrible du début à la fin. Même à la pause essence, l'autre il était en train à la pause. Il riait tout seul. Je repensais à l'horreur des trucs avec la petite voix. Comme ça, je vais te pisser dans les cheveux. Enfin, c'était... sur les joues. Si je me permets, c'était sur les joues. Je vais chier sur tes nibards. Voilà des choses comme ça. Attention, et... parce que j'ai jamais dit ça. Pisser sur les joues. Non, pisser sur les joues. Pisser sur les joues. Vous ne l'avez pas dit, mais Georges Brassens horrible l'a dit. Et donc j'y repensais pendant que je faisais le plat. Et donc j'ai eu un fou rire de 2 heures et je riais dans mon lit. Bon, bref, alors autant pour moi le karaoké Adrien Méniel, c'était le tournage de Groom avec Marie Lanchasse qui faisait la môme piaf. On avait fait un énorme karaoké. D'accord, voilà. C'était pas du tout un truc mais chinois. Mais non, j'ai confondu, je perds la mémoire. Okay, effectivement, d'ailleurs j'avais fait Ménélique. Ah, voilà. Avec Oumar. Et toi, tu pourrais chanter quoi alors ? Ben moi, en général, je veux imiter. J'ai un truc où ça part, ça imite. Je prends souvent Vanessa Paradis. Mmh. Oh, et tu fais Magic System aussi, malheureusement. Ça, c'est le faux pas à chaque fois. On est tous super mal à l'aise à chaque fois. Ouais, bon, la chanson dure 4 minutes, faut qu'elle aille au bout. On débranche le micro à chaque fois. Justine, bon. Je prends toujours Vanessa Paradis, parce que je la connais, je suis sûre de ne pas me tromper. Mais pareil, je trouve que ça n'avait pas une ambiance dingue, Vanessa non, Paradis. Non, mais moi, je suis sûre de moi, mais ouais. On se ressemble un peu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit air. Un grand casting. Juste allez, aussi, le mur du son, Willy Denzey aussi, bien sûr. Chef d'œuvre. Pam! Mais Britney Spears aussi dans les Américains, ça chante plutôt bien. Je trouve qu'il y a un truc. Façon qui... sexe de Tribal Chief. Mais sans parler de karaoké, en voiture, quelle est la chanson que vous pouvez mettre en voiture qui vous rend fou? Ah bah écoute, on en revient encore à ce mariage. Tu pouvais pas tomber mieux. J'ai honte. Peut-être des gens nous ont croisés, hein, parce qu'on est en plein Paris. Bah il y a eu deux chansons de Michel Sardou qui ont été enchaînées par deux chansons de Jean-Jacques Goldman. Et après, on était dans de la variété française. Du Balavoine. Il y a eu Balavoine, ouais. Et après, on est passé sur Rof assez rapidement. Ouais. Voilà, mais non, ceci... mais Rof, c'était une fois sur l'autoroute, évidemment. TDSI, bah, de Rof. J'avais loué une grosse voiture, je vous le cache pas, et donc on était obligé de mettre TDSI à fond. Mais moi, c'est ta question, je la trouve très intéressante, parce qu'il y a la chanson de karaoké et il y a la chanson en voiture qui est tout pas vraiment fait. La même. Non, c'est pas la même énergie. Et moi, j'écoute beaucoup de métal des années 2000 en voiture, et je même crie en voiture, moi. Et d'ailleurs, je te remercie de pas l'avoir mis pendant qu'on était dans la voiture. Des gens, là, je mets Sardou. À ce moment-là. Et Rof, voilà, c'est le Sardou du rap. Attention, le Sardou du rap, ça peut être un très bon titre. Oui. Moi, j'avoue, c'est du propre d'Orelsan qui peut je saute. C'est du propre, propre. Disons ça à ceux qui te rabattent un peu trop près de ta voiture. Eh ben dis donc, super. Moi, j'ai une playlist road trip, moi. Ah ouais. Il y a par exemple Goodbye Stranger de Super, évidemment. Super chanson. Je meuble un peu parce que j'adore quand elle part. Très très belle chanson. Ouais. Mais il y a des chansons des fois qui partent un peu en couilles bizarres. Je pense à Paul McCartney, Live and Let Die, qui part en reggae pas ouf à un moment. Ah oui, c'est vrai. On oublie ça. Très chiant. Je déteste ce passage. Pardon, excusez-moi, je voulais faire un aparté. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Don't Stop Believing. Ah ouais, des chansons puissantes un peu. Ouais, toujours la testostérone. Mais pas que. Non, mais quand tu roules. Non, mais t'as envie de bouffer la vie. Quand tu roules en voiture. Non, mais pas que. Il y a par exemple. Il y a Bad Moon Rising de Creedence. Je la connais pas. Il y a pas de. I see a bad moon rising. J'ai vraiment si la voix. Si tu le fais explosée. Avec la voix de Georges Brassens et que peut-être les paroles sont. Faire des combos. Non mais par exemple j'ai Going Up the Country de Ken Heath. Pas du tout. Vous voyez cette chanson ou pas? Non. C'est un peu la BO de Forrest Gump en fait. C'est un peu. Il y a un peu ce côté-là. Bien sûr. Vous la connaissez cette chanson? Au début, c'est mais je la connais parce que c'est des pubs. C'est le chanteur d'Outcast. Terrible. Non, mais il y a un côté début de film indépendant américain. C'est vrai que je comprends petit un peu le délire. Petit truc mignon de Sundance. Oui, c'est ça. C'est très mignon. C'est vrai. Ah oui, c'est très film mignon. À Sundance. Voilà. Et donc, un gros casting a été organisé. Oui, le jeu du Floodcast. On ne parle pas que mariage ici. Un casting dans lequel vous pouvez participer, quel que soit votre genre et même votre âge, car les mineurs peuvent participer s'ils sont accompagnés par un représentant légal. Mais c'est un casting pour quoi, selon vous? Attends, redis, c'est un casting. Un casting qui concerne femmes, hommes, enfants. Voilà, c'est filmé après? C'est pour faire un truc filmé? Alors, très bonne question, ce n'est pas filmé. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris la prémisse. Non. Y a un gros casting qui va être organisé. Par le Floodcast ? Non, pas du tout. L'enfer. Non, c'est un casting qui a été organisé et je ne peux pas vous dire par quoi, sinon c'est la réponse. Mais effectivement, pour ce casting, et très bonne question de Justine, ce n'est pas un casting filmé. on ne demande que votre voix. Et peu importe si vous êtes un garçon, une fille, enfin voilà, peu importe ce que vous êtes. Ah, pour être la nouvelle voix de la SNCF. Alors, c'est quasi ça, je vais te l'accorder. Wow. C'est pour être la voix de la nouvelle ligne de tram, la T3B. Waouh. Et, ouais. Et là, je crois qu'elle existait déjà. Ouais. Oui. Bah non, il la rallonge en fait, apparemment, à partir de printemps 2024, ouais, la ligne de tram va être rallongée. Rallonge, du coup, c'est nouveau. Pour s'étendre. On connaît. Merci Valérie Pécresse. Ouais. Pour s'étendre de Porte Dauphine à Porte d'Asnières. Et c'est pour cette raison que la société d'Asnières. Oh, ça va, écoutez. C'est pour cette raison que la société recherche quelqu'un capable d'énoncer le nom des nouvelles stations avec clarté et précision. Donc ce ne sera pas moi, visiblement. Bon, ils vont prendre une IA, hélas. Tu penses? Non, je pense un pas. Un grand casting. Ouais. T'as un peu envie de participer. Non, d'ici un an, c'est une IA sur toutes les lignes, rassurez-vous. Hein. C'est sûr. Est-ce que vous avez vécu des expériences de casting? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps, Justine. J'ai cru que t'allais dire des histoires dans le métro. Je... Bah, j'ai dégueulé. Avant, c'est tout tourne autour de ça. Rosa, est-ce que t'as déjà vécu des trucs de casting un peu fous? On a vécu des castings ensemble. On a passé des castings ensemble avec Rosa. Avez-vous remarqué qu'on se ressemble? Ouais, un petit peu. Bah, moi, je trouve pas, mais. Ah, tu trouves pas? Même moi, vous pourriez jouer des sœurs, mais bon, je trouve pas que vous ressembliez. C'est soit Alison, soit Rosa. En général, on me dit. Ah, moi, soit Alison Wheeler, soit Rosa. Moi, c'est Anaïs de Moustier ou toi. Je ne dirais pas laquelle je préfère. mais vous êtes croisés du coup à des castings? Parce que vous avez fait des castings ensemble, j'imagine que vous avez fait des castings pour des rôles similaires des fois. Parfois, c'est pour des rôles similaires, parfois ainsi au théâtre. Tu te souviens pas? C'était pas. Ah non, on n'est peut-être pas en compétition pour le. Non, théâtre. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit dans son podcast. Ah ouais, qui va sortir ça, vraiment. Ah bah parfait. Bon, non, mais ça tease, ça tease un peu, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y. Bah non, mais on avait passé un casting pour une pièce de théâtre et il y avait plusieurs tours. Et en effet, le dernier tour, on devait un peu chanter, danser, et préparer un texte. Et toi, t'étais venue en mode, t'avais rien préparé. Alors moi, je m'avais pas envoyé le texte. Ah, donc, c'est-à-dire que tout le monde savait son texte sauf moi. Et je suis arrivée, mais vraiment, mais comme dans le cauchemar. Tu vois, j'arrive et je fais, c'était le monologue de Valérie Le Mercier dans Palace. Ouais. Et je fais, je ne sais pas. Il fait, faites ce que vous voulez. Je suis là, immédiatement. Alors, regarde. C'était horrible. Je l'ai pas eu. Aïe. Voilà. Ah, et toi, Rosa, t'as fait des castings? Parce que c'est vrai que toi, t'as fait théâtre, cinéma, télé. Oui, et puis les castings, c'est toujours. Les castings, c'est vraiment. Mais y a pas, j'ai pas de bonne anecdote de casting. C'est à 99,9%. C'est vraiment pas des bonnes qu'on cherche. Que des trucs horribles, tu vois. Ouais. Non, mais même récemment. Ah, mais on s'en est pas. Oui, des trucs où tu vas jusqu'au bout, où ils te disent c'est toi, réserve ton emploi du temps, et puis finalement, au dernier moment, quand c'est tout validé. La directrice de la chaîne qui a changé la nouvelle regarde les essais et dit trop molle. Oh là là. Mais attends, ils te l'ont dit ça du coup? Ouais. Ouais, quel besoin de... Non mais c'est vraiment le podcast Dead Eyes quoi. Enfin, y a trop molle. Ils l'ont dit à ton agent ou à... Pardon. Non, le directeur d'un casting m'a appelé. Il l'a dit. Il m'a dit il m'a dit tu fais vraiment un métier difficile. Oui, bah quand les gens te rapportent les critiques en pleine face, oui. Non, mais en gros, pour dire, il y a un podcast qui s'appelle Dead Eyes parce qu'il y a un gars qui a été exactement dans cette situation. Il avait eu un casting pour la mini-série Band of Brothers qui était dirigée par Tom Hanks. Et le mec, il avait eu le rôle et tout. Et en fait, on l'a rappelé et ils lui ont dit bah en fait, non, Tom Hanks a vu les vidéos et il trouve que t'as des Dead Eyes, un regard mort, quoi. Et du coup, le mec, il a fait tout un podcast là-dessus, qui est génial d'ailleurs, je le recommande. Petite névrose, peut-être. Petite névrose. Bah, là-dessus. En vrai, il en fait un truc vraiment génial et c'est cool. Pas du tout dans un esprit de revanche et de genre. On pourrait faire ça, nous, mais on aurait les castings qu'on n'a pas eu. Putain, chaque fois, ouais. Oh, le name dropping, les gars. Bah, vous seriez heureux. Non, mais récemment, pour une série qui est en train de se tourner en ce moment, ils sont allés. Des actrices, c'était même plus du callback, c'est-à-dire qu'ils leur ont pas fait croire, mais que c'était quasi sûr. C'est... On peut biper, Rosa. On va biper. Ouais. Ils ont pris les mesures des entrejambes des actrices pour les costumes. Oula. Et elles n'ont pas été prises. T'imagines la métaphore du truc. Alors, tu peux écarter les gens. Ouais. Tu la sens. Ce sera pas toi. C'est horrible. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans le même d'en faire passer des castings. Moi, je trouve ça fou que des choses comme ça arrivent parce que moi, je sais que j'ai fait passer des castings pour mon film et t'essaies d'être le moins, même d'être content. Parce que tu dis, si t'es trop content, mais que tu rencontres quelqu'un d'autre qui est super, la personne qui t'a vu trop content, tu te dis, c'est horrible, elle a cru qu'elle avait fait un super truc. Oui, mais ça, à la limite, c'est. Moi, je. Enfin, pardon. Mais... Non, mais moi, je suis pas en mode poker face. Je dis, ok, c'est cool, mais je peux pas en mode. Oui, on remarque le réel, c'est pas pareil. Je suis sûr que c'est toi, c'est trop bien. Tu dois un peu garder en disant, voilà, c'est trop cool, bon, écoute, on voit d'autres gens. Moi, j'essaye d'être vraiment. voilà, je peux pas. Comme dans une relation amoureuse, en fait. Ouais. C'est comme la même chose, c'est comme de faire du love bombing au bout d'un mois de relation et t'es ah, tu vois, genre, tu lâches tous les grands chevaux alors qu'en fait, au bout d'un mois, bon, bah, en fait, t'as plus envie d'être avec la personne, tu t'es ouais. trop avancé là-dedans, quoi. Ouais, c'est que ça. Nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Florent, à oui, un casting. Je me souviens, il y avait beaucoup plus. Tu étais arrivé sous l'eau. Non, mais c'est vrai. Ouais, j'étais arrivé trempé. J'avais travaillé sur une série pour dire aux gens avec Navi, que vous devez connaître aussi. Ouais. On avait fait un programme court pour un appel à projet, d'ailleurs, je ne vais pas dire la chaîne. Et on avait fait passer un grand casting. Et j'avais rencontré Rosa, et qui était une des partenaires qu'on avait vachement aimé. Et en vrai, et c'est d'ailleurs un peu mignon, entre guillemets, tu étais arrivé, il pleuvait de fou. Donc ouais. tu étais recouverte de flotte. Des pieds à la tête. Le maquillage avait un peu coulé et tout. Ouais. Mais ça allait plutôt bien avec le perso. Et à un moment, je me suis dit, elle l'a fait exprès. Oh, wow. Mais parce que, en fait, c'était trop bien. Parce que, elle en a fait... invoqué la pluie. Wow, non, elle est restée comme triche. Ça avant de sonner. T'es restée comme ça sans parapluie en train de prendre la flotte. Et ça va, j'avais été pas trop nulle en casting. T'avais été super gentille et je m'étais dit, oh, j'ai trop envie de travailler avec eux et qu'ils deviennent mes amis. Ouais. Aller dans son podcast. Love Bomb. Et 10 ans après, la meuf qui est là, j'y suis arrivée. Putain, aujourd'hui, on peut dire que j'y suis arrivée. Et, moi, et d'ailleurs, c'est aussi là où j'ai rencontré pour la première fois Sébastien Chassagne. Bah, et, qui, ouais. voilà, et que maintenant vous connaissez tous. Les amis, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Et on va passer aux recommandations culturelles. Et oui, parce qu'à chaque fois, vous savez, à la fin du podcast, on partage un peu des choses qu'on a appréciées culturellement. Ça peut être du théâtre, ça peut être des films, ça peut être des jeux vidéo indépendants, ça peut être vraiment plein de choses. Justine Le Potier, quelque chose que tu as apprécié récemment. Justine, alors d'ailleurs, c'est Le pas forcément Potier. Des trucs récents. Hein. Ça peut être des trucs. Alors, ah bah, tu tombes juste, Justine Mamie. Je suis tombée pour la première fois, ça sur Prime Vidéo, je n'avais pas vu Festen. Ah oui. J'avais entendu parler et en fait ce qui m'a fait beaucoup de bien regarder ce film. Alors si vous êtes un peu fragile psychologiquement ne regardez pas ce film, c'est très dur, mais ce que j'ai aimé c'est que ils ont tourné ce film avec un caméscope. Oui. En 98, si je dis pas de bêtises, et moi qui viens de me prendre la tête sur la technique, là, sur mon dernier court métrage. Bon, écoute, je te dérange, Adrien. Je cherche une marque. T'écoutes vraiment pas ce qu'elle dit, Adrien. Si, pris la tête c'est avec pas la technique. Gentil. Sur... Bien joué. Et ben, je me suis dit, tiens, mon prochain film, je le fais au 5D. Ah ouais, voilà, bien, ça m'a. Ce que j'ai dit, c'est tellement extraordinaire ce film que. Bon, bah, on parlait de mariage, là, ça se passe pas bien. C'est pas un mariage, c'est un anniversaire. Ah, c'est un anniversaire, oui, c'est vrai. C'est un anniversaire et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Vraiment formidable. Moi, je l'ai vu au cinéma, je l'ai découvert au cinéma. Mais t'avais quel âge ? Non, non, pas à sa sortie, ah, il y a oui, genre 6 ans ou 5 ans. Bah oui. Non, non, je suis allé. Tu sais, il y a le. Bah, pareil, on a la chance d'avoir des ciné qui font souvent, qui ressortent des films et ils font des trucs super. Souvent, ils ressortent des films quand des films du même réal sont dans l'actu. C'était Drunk. Et là, il venait de sortir Drunk et du coup, on pouvait voir Festen au cinéma. Thomas Vinterberg. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé Festen aussi. Plus que Drunk. Drunk, j'étais un peu passé à côté, moi, pour être tout à fait honnête. Tu peux, j'ai trouvé ça formidable, hein. Mais tout le monde me l'a beaucoup en disant que c'était un chef-d'œuvre et j'ai trouvé ça vraiment mortel. Mais c'est vrai que j'ai été un peu. Alors que Festen. Il avait je me suis pris un peu en et la chasse. Il avait et la chasse, ouais. La chasse, c'est bien aussi. Ouais, la chasse, c'est bien. Bon, bah, vous connaissez mes recos, voilà. Non, mais c'est vachement bien. Mais c'est bien de remettre une pièce dans la machine. Parce allez, que hop, c'est un film. En plus, c'est un film. Je pensais conseiller une pépite inconnue en oui disant Festen. Non, mais parce que en plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est un film. Non, mais c'est un film qui peut paraître dur d'accès. Parce qu'il va dire, c'est au caméscope. C'est en langue, quoi. C'est en danois. Mais je trouve que ça va en fait. Enfin, c'est glauque, hein, c'est effectivement. Mais divertissant aussi. Mais voilà, mais c'est pas un film d'auteur entre grosses guillemets chiant. Au contraire, c'est très rythmé. Il y a plein de choses qui se passent. Et bah, c'est comme voilà, ça va aller à un endroit terrible et tu assistes à un accident de voiture en fait. Donc c'est très pas littéralement. Prenant. Non. En fait, c'est parce que je confondais toujours avec un autre film. Je sais plus lequel, de science-fiction. Donc je pensais à regarder un film qui de science. Ça s'appelle Camping. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et je suis tombée dessus. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. Attends, tu pensais regarder de la science-fiction et j'ai pensé regarder le film avec Ethan Hawke et Uma Thurman. Comment ça s'appelle quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et toi tu vas savoir là, monsieur ça, cinéma. Ouais, Ethan Hawke et Uma Thurman. Ouais, ça, bienvenue à Gattaca. Je vais regarder bien. J'ai failli dire ça. Il y a pas du tout de science-fiction, mais l'image est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après j'ai googlisé, j'ai fait oh bah tu t'es trompé de salle, ma pauvre Justine. C'est au cinéma. Pas du tout, c'est une métaphore. Tellement la fraîche. T'es un être poétique, Justine. Mais tu vois en quoi j'adore Justine? C'est qu'elle a fini le film. Parce que n'importe qui devant sa télé s'est trompé de film. Bah, il met l'autre film. Oui. Le snuff. Oh, bah, je vais rester. Mais non, mais parce que le film est génial. Bien sûr. Mais ça aurait été campi que j'aurais peut-être changé. Oui, voilà. J'ai l'impression que t'as un talent pour le bonheur, Justine. T'es pas contrariante. Tu sais profiter de la vie. Souvent, on m'a dit c'est bientôt la plus heureuse. Ah, bah oui. Mais est-ce que c'est pas chiant? Est-ce qu'on se dit. Est-ce que peut-être des fois non? Et tu dis bah non, pas forcément. Donc laissez-moi tranquille. Ah non, j'aime bien. Ah ouais, ok. Bah non. Bah, t'es vraiment un être de lumière. Excuse-moi. Je préfère ça que ça va pas. Tu vois, non, ça va. C'est vrai que Justine, je me suis fait la remarque que t'es peut-être la seule personne que j'ai jamais l'impression de saouler, quoi. Parce que, non mais c'est il a c'est... saoulé la terre entière. Non mais en vrai, c'est vrai quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où tu fais ah oui Adrien c'est bon. Et toi jamais quoi. Ouais, ça te fait marrer mon ça glisse, écoute, ça glisse. Mon tempérament te fait rire. Et ça me fait plaisir. T'es pas une actrice non plus. Oui. Si. Mais non, mais tu vois, quand je. Tu... Bon, oui, bref. J'entends. Bref. T'es super. Il peut être agaçant à terme, et toi, on dirait que ça te glisse dessus. Foutre, toi. Quoi, je suis agaçant, je t'emmerde. Et toi, ça te glisse dessus, comme un. Voilà, un ventre glisse. Non, c'est pas que ça lui glisse dessus, comme c'est que ça. Elle aime bien. Ça la fait rire. Ça la fait rire. C'est magnifique. Beaucoup de choses me divertissent, c'est vrai. Bah, c'est magnifique. Rosa. Eh bien, écoute, dans l'actualité récente culturelle, moi, j'avoue avoir apprécié la dernière saison de The Crown sur Netflix. Okay. Et les tout derniers épisodes, voilà, qui relatent les Didi. Bien et sûr. Et trois petits points, on sait ce qui est arrivé à les Didi, hein, ça, je vais pas spoiler. Dead. C'est cela. Et ça me fascine toujours... Quand ils s'aventurent dans la fiction à reconstituer des éléments psychologiques dont on ne sait pas s'ils ont eu lieu ou non dans les derniers moments de gens connus. Et je trouve que c'est un exercice assez périlleux et je trouve que c'est très bien fait. Moi, j'ai appris qu'elle n'était pas morte sur le coup, surtout. Je croyais qu'elle était morte. Tu l'as vu aussi dans ces épisodes? Non, moi, j'ai pas vu. Alors, je t'avoue, parce que moi, je regarde pas de série, je suis très nul en série. Mais du coup, il y a eu l'Instagram de Lina, j'imagine, vu que la série est sortie, a rebalancé l'annonce et ce que disaient les médias à l'époque. Et du coup, j'ai appris qu'il y a vraiment une vidéo d'un docteur français qui dit on a tout essayé toute la nuit, on a ouvert ci, on a rentré ça, mais elle est morte à 4h24 du matin. Contrairement à Dodi qui lui est mort. C'est ça, son compagnon est mort, le garde du corps est vivant, je crois, c'est ça. Le chauffeur est mort, le garde du corps était vivant, et elle est morte pendant la nuit. Ne pas devenir princesse de Galles. Donc The Crown. Et c'est fini là d'ailleurs, non? C'est la fin. Ben non, je crois qu'ils vont encore sortir des tout derniers épisodes qui vont arriver sur l'adolescence des princes. D'accord. Et d'ailleurs du Meghan et Harry et tout ça. Ils vont pas aller jusque là. Ils vont pas aller jusque là. Ils vont nous enterrer. Ils vont faire la vache jusqu'à la dernière goutte. Contre reco, j'avais commencé le docu de Meghan et Harry. Normalement. Ah non. Vas-y. Et j'avais pas aimé. Contre reco. C'est quoi le docu? Le docu de Meghan et Harry. Ah, sur Netflix. Le truc sur Netflix. Je l'ai pas vu ça. Et je veux pas accrocher. Évidemment. J'ai l'idée de regarder ça. Mais t'aimes bien parce que la famille royale, on en a un peu parlé la dernière fois. T'intéresses un peu ou pas du tout? Ça m'intéresse. J'ai l'impression, oui. Non, mais tu peux aimer The Crown et pas. Mais je regardais le docu sur Meghan et Harry. En fait, c'est grâce à The Crown, à la série, que je m'y suis intéressée. Tu vois. Mm. Moi, mon père, j'ai vraiment grandi. On a bien fait, nous, de couper la tête à nos rois. Ouais. Et donc, en regardant la série, ça m'a commencé un peu à m'intéresser. Et ensuite, j'ai regardé tous les docus. Ça m'a un peu fascinée, Diana. Mais parce que je trouve qu'en fait, dans l'histoire de Diana et la tragédie des paparazzi, non, mais c'est les prémices de ce qu'on vit là en ce moment avec les réseaux sociaux, en fait. C'est comment les réseaux sociaux et Instagram et tout sont la suite de ce qui s'est passé avec les paparazzi et l'image au 21e siècle. Oui, t'as oui. vu, j'ai quand même intellectualisé le fait de regarder de la merde. Oui. Après, c'est tous les paparazzi, c'est pas juste les Didi, quoi. Toi, Adrien? Moi, écoute, je vais juste tout bonnement recommander sur parole le podcast de Gigi Pop. Ouais. Alors, le seul épisode que j'ai écouté, c'est celui dans lequel je suis invité. Oh là là. Mais j'ai trouvé ça super. Oh là là. Non, en vrai, c'est juste que j'ai fait le premier épisode de son podcast. J'ai trouvé que son concept était vraiment trop bien. C'est quoi? Et du coup, j'y viens. Regardez-le. Le woman interrupting. Non, en gros, le concept, c'est il reçoit quelqu'un, il choisit de son côté une chanson qui lui fait penser à l'invité qu'il reçoit, et ensuite il prend les paroles des chansons et il les lit, et chaque ligne lui inspire une question. Et ce que je trouve marrant et bien vu, c'est que ça peut être, par exemple, moi, il avait choisi « Je marche seul » de Goldman comme chanson. Et à un moment, il dit « C'est chaîne qui pend à mon cou ». Donc tu vois, je m'attendais à des questions très très profondes, et il dit « Est-ce que tu portes des bijoux ?» Mais plus loin, il a aussi « Je marche seul » et il dit « Quel est ton rapport à la solitude ?» et tout. Donc c'est à la fois des trucs très très légers, très très bêtes et marrants, et des fois des trucs très intimes et tout. Et c'est super, je trouve le concept est trop bien. Il est brillant, ce garçon. Il est au Cartel Comedy Club, comme Rosa, très régulièrement. Allez, hop là. Ça vient gratter. Allez, hop là. La Mo des Simpsons, là. Regarde là. Ça me fait penser à Mo des Simpsons. C'était une des recommandations que je voulais faire aussi, effectivement. Bah, le podcast de Guigui qui est vraiment chouette. Et ça fait partie de ces podcasts tout neufs. Après, t'as écouté qu'un seul épisode aussi. Non, j'ai écouté Julien Santini. Je n'aime pas que toi, Adrien. Je te trouve super. Mais tu me préfères. Je te préfère, grave. Non, mais en plus, c'est une série où tu dis, j'ai hâte qu'il y ait plein d'invités, en fait. J'ai hâte de voir quelle chanson il va choisir. Enfin, je trouve comme tu l'as dit, c'est le concept est très fort. Ouais. Du coup, je switch immédiatement sur Marocco. Je vous propose un film qui s'appelle Mars Express. C'est un film d'animation. Je l'ai vu. Trop bien. Moi, j'attends d'être guéri pour aller le voir. Tu parlais. J'attends d'être gay. J'attends. Bah oui, t'as pas. Là, j'attends de ne plus aimer allumer le feu de Johnny et pour aller le voir. Alors d'ailleurs, parce que t'en parles à tort et à travers de ce Cozy Corner, je crois qu'il y a une ref au Cozy Corner dans le film. Je ne me spoile pas. Non. Bon, il est tout petit, la ref. Mais il me semble. En gros, c'est un film d'animation de science-fiction sur un monde un peu dystopique où les robots ont une place particulière. Et au sein de ça, il y a un crime. Donc c'est un peu un film de détective privé. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a des voitures du futur. C'est pas un enlèvement ? Cross-gender. Plutôt un meurtre, mais c'est. Okay, en fait, c'est difficile de pas trop en dire. Okay, en plus, ce que j'adore, et là, vraiment, c'est un argument pour moi de masse, ça dure 1h25. Ah oui. Non, déjà, j'adore. Et du coup, effectivement, dès les 10 premières minutes, il se passe des choses où c'est spoilé un peu déjà. Donc, c'est difficile d'en parler. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est déjà français, c'est quand même rare. Sébastien Chassagne qui lui joue. Ouais, il joue dedans, effectivement. Ouais. Il y a Léa Drucker, il y a Sébastien Chassagne, il y a, comment s'appelle-t-il, Mathieu Amalric. Waouh, que des gens bien. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment, moi je suis fan par exemple de Satoshi Kon. Alors c'est pas aussi fou et dingue que Satoshi Kon quand je dis dingue, farfelu, dirais-je. mais visuellement, c'est incroyable. C'est assez fascinant. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un monde où il y a plein de robots et tous les robots sont très différents. Donc quand on connaît un peu l'animation, on sait que c'est difficile, tu dois faire un dessin par truc, l'animer, enfin, c'est plus facile d'animer 200 mignons que 50 robots différents quoi. Et ben là, il y a 50 robots différents, il y a plein de choses et j'ai adoré ces titres. Et en plus, c'est de l'animation pour adultes qui se sont pas obligés de mettre du gore ou du cul à tous les étages, ce que je regrette parfois un peu dans l'animation pour adultes où ils disent vu que c'est pour les adultes, ça baisse, ça dégueule, ça voilà. Et là, c'est pas le cas. Donc, allez-y, ça s'appelle Mars Express, c'est réalisé par Jérémy Perrin. Jérémy Perrin. Il doit pas être sur 1 milliard de salles. Donc, s'il passe près de chez vous, il faut peut-être se dépêcher. Mais c'est un super film que je vous invite à aller voir. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On fait un dernier petit tour de table. Rosa, donc tu as ton spectacle. Il y a des dates jusqu'à. Mais tu dois plus rester beaucoup là. C'est les dernières dates de ce spectacle. Ouais. Après, je raconterai de nouvelles choses. Ouais. Mais c'est les dernières dates à la Nouvelle Ève et ensuite la Der des Der. À la Cigale, le 26 janvier 2024, venez, offrez-le en cadeau de Noël. Ouais, très belle salle hein, d'ailleurs, la Nouvelle Ève. Hein. C'est vraiment chouette. Et la Nouvelle Ève, c'est dans un cadre plus intimiste, très joli. Ouais. C'est une espèce de cabaret. Il y a un côté un petit peu baroque, Disney, trash. Mais c'est très sympa, super ambiance. Et la Cigale, évidemment, très belle salle, effectivement. La Cigale. La Cigale, et pourquoi la Cigale, Adrien ? Pourquoi ça s'appelle la Cigale ? La fourmi. Eh ben voilà, tout simplement. Oh là là, bien joué. Non, j'essaie de te choper. N'importe quoi, je sais pas. La Cigale chante tout l'été, du coup la salle de spectacle s'appelle La Cigale. Magnifique. Et ton podcast qui continue ? Mon podcast qui continue, il y a un épisode spoiler alert qui va sortir avec Justine Le Potier en 2024. C'est pas fait exprès. Hein. Justine Le Potier, parce que là on parle de Comédie Club. C'est vrai que tu nous l'avais annoncé en fait dans le dernier épisode entre deux dégueulis. Et ça a déjà pris une ampleur folle, je trouve. C'est le nom de ton spectacle d'ailleurs, entre deux dégueulis. Non, c'est son bouquin. Qui raconte un peu sa vie. La Bretagne. J'ai vomi en Bretagne une fois. Oui, bah merci, on le savait. Mais tu sais quoi, fais-nous la liste, Justine, de tous les endroits où t'as vomi. Attends, pas de spoil de son spectacle. Sur la couverture, une bouteille de cidre. sur ma monitrice de ski une fois. Donc t'es une dégueuleuse en fait, vraiment. C'était une blague à la base. Elle adore dégueuler en fait. Et non, mais depuis je suis petite dégueule. Oh. Oh, elle m'a chopé là. J'ai ouvert un comedy club le 20 septembre. Ouais. Venez, c'est rue de la Tacherie dans le 4e arrondissement. Rosa passe souvent. Ouais. Rue de la Tache. Oui, de bah oui, rue de Dégueulis. La bonne tache de germe. Et voilà. Et on mange bien et on rigole bien. Je rigole tous les soirs, je suis contente. Mais tout le monde me parle de l'ambiance, pareil, c'est très sympa. Ouais, les gens aiment y jouer. Bon esprit, enfin, voilà. Oui, bon esprit. Bien placé. Non, bravo. Vous pourriez prêter, c'est une ambiance incroyable. Ouais, ouais, c'est un... Les gens dégueulent et tout. Non, mais très beau, très beau. Même les avis Google sont formidables. Non, mais vraiment, c'est. Un succès. Adrien Miel. Oui, voilà, comme d'hab. Ouais, des podcasts. Quoi. Non, ouais, ouais. Non, bah toujours. Voilà, Antigang, la relève sur Disney+. Il y a toujours La Bonne Auberge, deux fois par mois. Sur Twitch, puis suivez-moi sur Insta, puis voilà, je vous dirai les trucs. Très bien. Il y a pas de nouveauté là pour l'instant. Et quant à moi, et eh ben il y a, alors je suis désolé, moi je suis en boucle là-dessus, mais on va recevoir d'ailleurs des gens qui ont travaillé sur ce film dans, hey, dans un épisode très grand. Mais oui, y a, j'ai écrit le film Vermine avec Sébastien Vanitschek. Ah, on parle dessus. Mais film il a fait d'araignée, film de monstre, film d'horreur d'araignée. On en parlera un peu mieux la prochaine fois. Il y a Jérôme, il y a Sébastien, il y a plein de gens qui vont venir en parler. Et voilà, c'est mon prochain film en tant que scénariste qui sort le 27 décembre. Bah écoute, merci. Les projections se passent bien, on est content. On sera au PIF là d'ailleurs pour le présenter cette semaine. Si jamais vous écoutez ce podcast, on le présente à Paris au Max Linder et c'est cool parce que c'est une belle salle le Max Linder. Ah, je viens. Et il y a des avant-premières un peu partout. Il y a des avant-premières un peu partout en France. Je vous invite à aller sur l'Instagram de Sébastien Vanitschek ou taper juste avant-première Vermine sur Google et vous verrez un peu les dates partout. Je sais qu'il y a du Jérôme Niel qui y va, du Finian Notfield. Donc voilà, si vous voulez aller rencontrer, parler au réalisateur, etc. et aller voir le film avant tout le monde, ce qui sort le 27 décembre. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À bientôt. Salut, ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.